L'émission Hors-jeu vous est présentée par le danslescoulisses.com. Le danslescoulisses.com, c'est le spécialiste dans l'actualité et les rumeurs dans la Ligue nationale de hockey et chez le Canadien de Montréal. Pour savoir ce qui se passe avant même que ce soit une nouvelle, le danslescoulisses.com. Et par Sacha Lefebvre, illustrateur. Pour tous vos besoins en imagerie, logo et infographie, c'est Sacha Lefebvre, le spécialiste. Communiquez avec lui au sachalefebvre.daportfolio.com. Il saura mettre votre imaginaire en dessin. Sacha Lefebvre, illustrateur. Amateurs de hockey, bienvenue. L'émission Hors-jeu débute avec vos animateurs, JB Gagné et Jerry Godbout. Salut tout le monde, bienvenue dans le tout nouveau hors-jeu. Oui, deux épisodes extrêmement rapprochés dans le temps, mais on vous l'avait promis, donc chose due, épisode spécial, le Canadien vient de gagner sa série contre les Sénateurs d'Ottawa. Nous sommes, nous, au moment de l'enregistrement, le 28 avril 2015. Il reste un seul match à faire dans la première ronde, match numéro 7 entre le Lightning de Tampa Bay et les Red Wings de Détroit pour savoir justement qui va affronter le Canadien de Montréal lors de la prochaine ronde. JB Gagné, votre animateur, et pour m'accompagner, Jerry Godbout. Salut Jerry. Salut JB, ça va? Je suis en train de te faire un sale monologue. Ouais, hein? Maintenant, je me suis dit, faudrait que je présente Jerry, si je veux qu'il parle. Ça pourrait être une bonne idée. Le v'là! Oui, moi ça va bien, toi? Ben oui. On va parler de plein d'affaires. On a vraiment, mais là, vraiment beaucoup de sujets. Et bien entendu, je veux qu'on revienne sur la série Canadiens-Sens. Ça s'est terminé en 6. Carey Price, blanchissage, victoire de 2 à 0. Mais en fait, disons 1 à 0, but dans le filet de désert à 0.3 secondes, la fin de la troisième période. Là. Je veux savoir un petit peu là, tes points forts, tes points faibles de cette série-là. Qu'est-ce qu'on a appris sur le Canadien qu'on ne doit pas répéter lors de la prochaine série, peu importe l'adversaire? Pas slacker à la pédale. Ça prend ça, l'esprit du tueur, hein? Oui, parce que ça, ils le font trop souvent. Sinon, en tant que tel, pas tout le temps trop se fier sur Carey Price, parce qu'on l'a vu dans le cinquième match. Ça a fait un 5-1. Mais sinon, en tant que tel, je pense que c'est vraiment ce qui vont manquer le plus, c'est l'instinct du tueur, là. Puis peut-être une coupe de but de plus. Ah, ça prend de l'offensive, ça prend de l'offensive, ça n'a pas de bon sens. Me semble que c'est ça qui manque aux Canadiens. Le seul match où est-ce qu'on a vraiment marqué à profusion, c'est des gars de 3e et 4e trio qui ont fait la job. Puis là, je parle du match numéro 1 de la série. Non, après c'est ça, le reste, là, t'as contre Anderson, t'as 3 buts contre lui directement. Le reste, c'est des filets déserts, puis ça a permis d'avoir 2 victoires. Non, la moyenne d'Anderson est juste comme vraiment trop bonne. Je pense qu'il est à 9,76. 80 points, 97 buts d'accordés. C'est sûr que juste jouer comme 3 matchs. Là. Mais 3 ou 4 matchs, mais en tout cas, je trouve que c'est trop. Ça veut dire qu'il n'a pas été mis autant à l'épreuve. Là. Même s'il y a du monde qui dit ouais, mais il y a eu quand même 42 tirs, 47 tirs, un match. Ouais, moi, on s'entend. Là. Il y en avait combien là-dessus qui étaient vraiment dangereux? On peut se poser la question, est-ce que le Canadien de Montréal l'aurait emporté si Anderson avait été là tout le long de la série? Bon, je pense que oui. Honnêtement, je pense que oui. ça aurait peut-être été un petit peu plus tough. Quoique, ben je sais pas. Je pense que le gars, il est rentré dans la série, puis pas qu'Ottawa avait rien à perdre, mais c'était déjà 2-0. Il pouvait-tu vraiment faire pire que Hammond? J'ai feeling que non. Non, c'est. Je pense pas, honnêtement. Je pense qu'on l'aurait pareil. Au moins, à la limite, ça aurait été en 7. Parce que quand même, tu sais, il y a une game qu'on y a rentré dedans pareil. Je te dirais que c'est les dernières games étaient plus tough. La dernière game, on s'entend que c'est Carey Price qui l'a volé. Puis encore là, le Canadien a moins shoté cette game-là. Puis Ottawa en ont fait comme 47 tirs. Là. Non, ça. Je pense que juste un vent, puis la, même s'il disait que la pression était sur le Canadien de Montréal, la dernière game, je sens que Ottawa jouait avec la pression. Parce que de plus en plus, mais on peut revenir là-dedans, on peut revenir, tu sais, puis je suis sûr que ça crée un. Ça crée quelque chose dans le vestiaire ou dans l'équipe au complet qui a fait que faut pas qu'on lâche, puis là, ben, je pense qu'il y avait peut-être un petit peu plus de peur des erreurs. Parce qu'il se disait que s'il perdait celle-là, là, c'était fini, puis d'après moi, ça leur a rentré dedans, là. Intéressant. J'ai entendu du monde dire le point marquant de cette série-là, c'est le coup de Subban sur Mark Stone. Tu sais, le gars n'a plus été pareil. Le gars de la saison régulière versus le gars en série, c'est un marqueur naturel. Il n'a plus marqué après. Là. Ne fait que des passes. C'est clair que ça a fait une différence, ça. Oui, peut-être, mais en même temps, tu sais, il était tout le temps impliqué. Il a quand même joué beaucoup, là, même s'il shotait pas autant. C'est comme tu dis, il y a eu des passes. Je pense qu'il y a des passes sur quasiment tous les buts. Peut-être pas toutes, là, mais pour dire qu'il était quand même impliqué dans le jeu. Je vais aller chercher sa fiche juste pour. Même s'il était pas nécessairement. Il y a 4 passes en 6 matchs. C'est très bon, là. C'est ça. C'est super bon. Non, je suis pas d'accord parce que de toute façon, même de notre côté, on aurait pu avoir un blessé et ça aurait fait le changement. Là. Regarde, c'est la game. Là, je veux dire, regarde Nashville. Ils ont perdu Weber, ça a paru. L'année passée, nous autres, on a perdu Carey Price, ça a paru. Écoute, ça arrive tout le temps. Là, je veux dire, faut que tu joues avec, ça fait partie de la game. Ça, c'est sûr. Ça c'est clair. Actuellement, le Canadien, on ne sait pas qui il va affronter en deuxième ronde. D'ailleurs, on va y revenir. Je veux qu'on fasse nos prédictions. Je veux qu'on parle du CH, des performances individuelles de chacun des gars. Moi, j'ai pas capoté cette série-là. Même Price a été ordinaire à plusieurs occasions. Je veux qu'on regarde certains éléments clés. Commençons justement avec Price. Si on avait donné une note, qu'est-ce qu'il doit corriger? Est-ce qu'il faut qu'il change de quoi pour la deuxième ronde? Ben, si tu me permets, je vais commencer. Vas-y. Ça va être assez simple. Faut que Price joue comme le dernier match. Parce que les premiers matchs, comme tu as dit, c'était pas convaincant. C'est rare en plus qu'il ait accordé 5 buts dans un match. Je pense que c'était la 4e ou la 5e fois dans l'année. C'était pas. Au début de la série, je pense que Carey Price se cherchait ou garde les émotions pour les séries, je sais pas, ou peu importe. Mais le dernier match, je pense que c'est là qu'on a vu le vrai Carey Price. Faut juste qu'il continue comme ça. Qu'il se garde dans sa bulle, qu'il joue comme Price est capable de jouer, en fait. Là. Sinon, en tant que tel, pour une note. Parce qu'effectivement, j'ai pas trouvé qu'il était si fort que ça. T'sais, c'était pas lui qui était le joueur d'impact, sauf peut-être au dernier match. Moi, je donnerais peut-être un 7.5, ce qui est assez bas personnellement pour Carey Price. Ouais, je donnais ça aussi, un 75%. Là. J'ai pas été, à part le dernier match vraiment, où est-ce qu'il a volé le show, j'ai pas vu dans ces 6 matchs-là le Carey Price de la saison régulière. Est-ce qu'il cache une blessure? Est-ce que il s'attendait à une balade dans le parc, que ça soit plus facile? Je sais pas, là. Mais peut-être qu'il s'est dit, bon, ben écoute, Hammond, on le perce, il n'y a pas de problème. Fait que ça va être tranquille, j'ai pas besoin de me surpasser. Plein de deux scènes est arrivé, ça a comme tout changé le plan. Puis le temps qu'il se remette sur ses pattes, ça a pris 2 matchs. Ouais. C'est l'impression que j'ai eue, puis en même temps, on dit qu'il est ordinaire, mais la victoire de 1-0 des Sénateurs, c'est. Tu sais. C'est l'attaque qui n'a pas fort. Ben, c'est ça, à un moment donné, mais... ton gardien de but, il donne un but, un filet à l'adversaire, puis tu perds le match. À un moment donné, tu peux pas demander des miracles au gardien de but, mais vraiment, c'est à partir de ce match-là, que match numéro 5, que j'ai senti que Carey Price était. De retour là, avec ses bottes de travail, prêt à travailler et à être efficace. Là. Tellement aidé. Ouais, c'est sûr. Ben, c'est sûr que, comme tu dis, il n'y a pas eu autant d'apports offensifs, même défensifs. Mais je pense que c'est vraiment le dernier match qui a augmenté ma note parce que je pense que je donnais 6. Sinon, là. Si on aurait été en 7 et qu'on aurait enregistré là et qu'il restait un match, j'aurais donné un 6. Il aurait fallu qu'il gagne absolument le dernier. Oh oui, non, c'est ça. Puis j'aurais été pas mal d'accord avec toi. On passe, mettons, à la défensive, parce que c'est ce qui a le mieux fonctionné chez le Canadien. On va revenir avec l'attaque en dernier. Subban, 4 points en 6 matchs, meilleur pointeur de l'équipe, plus 1. Moyenne de temps de jeu, 25 minutes et 8 secondes. Ton appréciation, parce que je trouve que ça a été inégal, ça aussi. Ouais, ben, en fait, honnêtement, je pense qu'on va y aller tout de suite avec l'équipe au complet a été inégale. Mais en tant que tel, lui tout, je pense que ça s'est joué sur un match, puis ça a été le deuxième match que c'est vraiment là qui est ressorti du lot. Mais en général, il a pas fait autant de flamèches que Subban est capable d'en faire en Syrie, parce qu'habituellement, moi, je trouve que c'est un bon joueur en Syrie. Là, il élève son jeu d'un cran. Moi, j'ai l'impression que les Sénateurs lui ont joué dans le mental plus que ce que laisser paraître. J'ai l'impression que le style de jeu des Sénateurs, c'était très hermétique. Ça l'a vraiment bloqué dans tout ce qui était élan offensif. Ça l'a comme vraiment... ça y a vraiment nuit. Défensivement, il était là. Il était tout aussi efficace, mais tout ce qui était pan offensif de son jeu, c'était neutralisé par les Sénateurs. Ben en fait, je pense que c'est plus une question de juste l'affaire qu'il y a eu au premier match. Sûrement, à la base, je pense qu'il était marqué avec des pointeurs laser. Il se faisait checker, puis première affaire que tu fais, tu vas être suspendu ou quelque chose dans le genre. Fait que je pense qu'il se gardait de la gêne. T'sais, ça paraît pas, là, mais si tu regardes les punitions, j'avoue qu'il y en a eu une de 10 minutes, là, mais il y a 25 minutes de pénalité. Là. C'est énorme dans les défenseurs là, à date en Syrie. Je pense que les plus hauts qu'il y a, c'est 12 minutes. Là. Fait que 25 minutes en 6 matchs, même s'il y a un 10 minutes à cause d'expulsion, c'est énorme. Fait que tu le vois que le gars il est checké. Là. Fait que, je pense qu'il prend ça calme. C'est pour ça qu'il n'a pas été aussi flamboyant. Mais, comme tu dis, il est quand même assez efficace. 4 points. Je pense qu'il y a eu genre un but, deux passes dans le même match. Fait que, tu sais, on s'entend que c'est... C'est ça. Malgré tout, moi, je trouve qu'il a été menotté offensivement par rapport à d'habitude. Puis il y a 4 points. Là. C'est dire le talent que ce gars-là a. Moi, je vais avec un 8, ça faisait un 80%. Je veux plus que ça. Ça va prendre plus de Price, puis ça va prendre plus de Subban pour la prochaine ronde si on veut pouvoir s'en sortir, parce que ça va aller qu'en s'améliorant. Moi, je donne un 7.5. En fait, je donne un 7.6, 76. Oh! Non, en fait, non, moi, tout, je donne un 7.5 parce que je trouve qu'il est capable de faire plus, même si les stats sont quand même pas pires. Il n'y a pas, je sais pas, il manquait le petit truc que ça fait que Subban, il est Subban. On dirait que ça va avoir de la niaiseux, mais premier match, c'est intense, Subban est à fond, se fait sortir. Right, OK. Deuxième match, le gars, il sait qu'il va être visé. Écoute, il te sort la performance quasiment de sa vie. Là. C'était pas loin d'être son meilleur match à vie. Peut-être pas offensivement. Oui, il a marqué beaucoup, 3 points dans ce match-là, mais écoute, overall, c'est un excellent match pour lui. Et après ça, on dirait que ça s'est calmé. La pression sur Subban s'est calmée et le gars s'est lui aussi calmé. On dirait qu'il a besoin de ça. Il a besoin d'être à l'avant-plan, d'être le gars ciblé pour pouvoir générer des performances inspirées. Et ça, on dirait que ça a manqué. Tu sais, quand je te dis qu'on l'a bien contrôlé offensivement, on dirait quasiment que c'est ça. On l'a éteint. On a arrêté de penser à lui. On a arrêté de faire des choses spécialement pour lui. Puis ça a arrêté de le motiver. Je pense qu'à un certain point, de ne pas s'occuper de Subban particulièrement, ça le rend moins bon. Il est meilleur quand la pression est sur lui, puis c'est ce qu'on a fait. On a enlevé la pression sur Subban chez les Sénateurs. Ouais, sauf en powerplay. Ça, c'est parce que le powerplay ne marche pas, puis on sait tous que ça va être un one-timer à Subban. Là. D'ailleurs, on peut-tu, personnel d'entraîneur, là, brasser les cartes un peu? Ouais, un one-timer à Markov, ça pourrait être pas possible. J'essaierais d'autres choses. Ouais. Je sais pas pourquoi, là, mais... En tout cas, parlant de Markov, lui, c'était difficile. Ouais, il n'y a pas eu une série comme Badat, là, comme qu'il y a eu en saison. Il est-tu fatigué? C'est ça, c'est-tu... on dirait qu'il n'est pas impliqué émotivement, puis il ne fait que cafouiller. Écoute, il y a des matchs que Tom Gilbert était meilleur que Markov. C'est dire, là. J'aime pas ça quand tu dis ça. Mais c'est à vous, c'est vrai. C'est pas que je l'aime pas, là. C'est justement parce que je l'aime que ça me fait mal de dire ça. Puis je veux y faire mal. Je veux qu'il fasse comme... Ouais, c'est vrai qu'il veut qu'il était meilleur que moi. Faudrait peut-être que je me fouette. Ben, hey, je check les tirs au but, là. Gilbert, 23. C'est ça? Non. Je l'affiche en avant. Tir bloqué, non, ok, c'est tir au but. Voilà, en tout cas, même encore, dans les tirs bloqués, Gilbert 23, Markov, il y en a 15. C'est les deux meneurs chez le Canadien. Markov, il y a plus de tirs, mais en tout cas. Ah non, c'est vrai, t'as raison. Gilbert, moi, je trouve qu'à date, En tout cas, on le voit plus. C'est sûr qu'il a scoré un but. Il a fait des erreurs. Ouais, mais comme tout le monde. Genre la passe suicide, puis tu sais, des revirements. Mais ça, faut s'attendre à ça de Gilbert. Faut qu'il garde son jeu simple, sinon il va faire des erreurs. Mais Markov, on s'attend à... Tu sais, moi, je m'attends en moyenne là, à du 8, 8.5 sur 10 comme performance. Puis là, moi, là, j'ai un 6.5. Là. Oh shit, t'es généreux. Pensable. T'es généreux. Oui, parce que je l'apprécie, puis je veux pas y casser le moral. Je sais qu'il nous écoute. Mais je veux qu'il se force, tu sais, je veux qu'il ait plus que la note de passage lors de la prochaine ronde, parce que c'est pas normal qu'il soit en arrière de Petrie, en arrière de Gilbert, puis en arrière de Subban. Normalement, oui, il serait deuxième en arrière de Subban, mais c'est pas normal que Marco soit ton quatrième défenseur en termes d'efficacité. C'est pas normal. Ben moi, j'aime pas, je sais que c'est une réalité, mais j'aime pas dire qu'un joueur est fatigué en série. Je trouve que c'est trop facile de dire ça. Peut-être que c'est le cas. T'sais, on va sortir les mêmes affaires pour Thomas Plekanec. Quand même en série, il est fatigué. Ah, Markov, il est fatigué en série. Écoute, 82 matchs, là. Je veux dire, même si t'en fais 21 de plus, il me semble que tu gardes la même mentalité, le même... Tu sais, à la limite, si t'es fatigué, garde les jeux simples, ce qui fait pas nécessairement... C'est au coach à gérer les entraînements rendus là puis à donner des journées de congé. C'est sûr. Pis on s'est peut-être trop battu pour finir premier de la division, puis on aurait peut-être dû reposer des gars comme Plekanec puis Markov plus souvent dans les deux dernières semaines de la saison. Non, c'est vrai. Puis en plus, je pense qu'il y en a eu des journées de congé, mais quand même, tu sais, c'est... je sais pas. Je trouve qu'il est pas assez efficace. Il est pas le... C'est pas le Markov de cette saison-ci, parce que dans la saison, cette année, il était vraiment bon. Hein. Mais il va peut-être se replacer, là. On s'entend, là. Les séries, c'est une autre saison... C'est un autre rythme, c'est un nouveau jeu. Fait que je pense qu'il va se replacer. Moi, je suis confiant, mais par exemple, pour le moment, moi, ma note, c'est un 6 sur 10. Je suis plus sévère que toi. Je l'apprécie quand même, mais toujours disponible pour un échange. Eberle, moi, juste de même. J'aime ça ramener. Il faut que je le ramène. Je le veux, ça arrive. C'est qu'on va être content. On va être en exclusivité hors jeu. Mais, prédiction hors jeu. non, c'est vrai. Il n'y a pas. Il faut qu'il se démarque plus, il faut qu'il soit le deuxième défenseur, il faut pas que Petrie et Gilbert le tassent de sa place de deuxième. Parlant de Petrie. Correct. Man, il n'y a pas de points. Pourtant, il me semble qu'il a tout fait sa glace. Il est impliqué offensivement. J'ai rien à redire contre Petrie. Vraiment, c'était une belle surprise dans cette première ronde-là chez le Canadien. Je le savais bon. Mais en même temps, quand j'ai vu l'échange à date limite, je fais comme « Ah ouais, le Canadien s'améliore avec les joueurs des deux pires équipes de la Ligue. » Ouais, OK. Ouais, mais Petrie, par exemple, c'était un bon. Là. Mais plus ça va, plus je l'apprécie. Puis dans cette première ronde-là, une chance qu'il était là. Ouais, ben, il a rien cassé. Il fait pas de flamèche, mais il est efficace, point final. Il fait tout. Tu sais, il y a des mises en échec, il y en a 16, ce qui est quand même correct, là, c'est dans la moyenne, tu sais, je veux dire, à part Emlyn qui en a 19, puis Subban qui en a 15, tu sais, c'est dans les meilleurs frappeurs. 11 tirs bloqués, quand même assez respectable. Il passe en moyenne 22 minutes, fait que tu sais, c'est dans le top 3 des plus utilisés dans l'équipe. Man, il y a 15 tirs, puis il n'y a rien qui rentre. Ouais, c'est ça, ben, il y a 15 tirs, fait qu'il tire au net, puis c'est des tirs cadrés, ça veut dire que c'est quand même très bien. Il est deuxième derrière Subban, là. C'est bon, là. Oh, oui. Puis il est à plus 1. Fait que tu sais, drette en partant, même quand tu dis qu'il n'y a aucun def dans le moins, fait que c'est merveilleux côté défensif. Merci Carey Price. Mais quand même, tu sais, ça veut dire que. Non, c'est ça, il fait pas de la mèche, mais il est correct. Moi, ma note, j'y vais avec une moyenne, c'est un 8. Je pense que c'est lui qui a la meilleure note présentement dans ce que je donne. Parce que justement, c'est pas le meilleur. Mais il n'a pas mis son équipe dans le trou. Mais moi aussi, je donne un 8, donc ça le met à égalité avec Subban. Le problème, c'est qu'un 8 pour Subban, c'est sous ce que je m'attends de lui. Puis un 8 pour Petrie, c'est parfaitement ce qu'on vise. T'sais. C'est là où est-ce que la note, c'est relatif selon le joueur. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Je veux qu'on passe en attaque maintenant. Moi, j'ai ciblé 4 gars. Si tu veux en ajouter, on en ajoutera. Mais je vais avec mes 4 que j'ai ciblés. Gallagher. Si ouais. Ce n'est du dernier match où est-ce qu'il a généré le seul but de l'équipe, ça a toujours été le guerrier qu'on s'attendait, mais aucune production offensive. Je suis pas prêt à dire que je suis satisfait de sa performance. Un but, une passe là, en 6 matchs, c'est pas assez. c'est pas assez sachant qu'est-ce que Gallagher est capable de nous donner, mais à sa défense, manque peut-être 2-3 pouces puis 20-30 livres de charpente là. Ben c'est ça les séries hein? C'est ça, mais c'est parce que c'est là que tu vois que Gallagher il est bien bon, mais quand il se fait checker par un Mark Method qui est un format x2 de Gallagher, ça clair, paraît hein? C'est sûr que on peut pas renier le fait qu'il a donné de l'effort. Écoute, je pense que c'est le gars all around dans toute l'équipe, c'est lui qui a donné de l'énergie à chaque match. C'est juste qu'il il pouvait rien compléter parce qu'il était tout le temps checké. C'est parce qu'à un moment donné, l'énergie, Prost aussi peut l'amener. Puis il y a 2 points lui aussi. Puis c'est un gars de quatrième trio. C'est sûr. Ça mais... prend plus que ça de Gallagher. Non, je suis totalement d'accord. Mais en même temps, tu sais, considérant lui tout son historique, tu checkes ses stats, il était super surveillé. Il a pas mis l'équipe dans la merde, il n'y a pas de pénalité. Il a 22 tirs. C'est juste ça rentrait pas. En tant que tel, c'est sûr que. Je vais donner un juste pour le dernier but, là. Le but qu'il a scoré. Là. Wow! Mais en général, parce que moi, je sais, c'est touché. Il a pas fait assez de points, mais tu peux pas y reprocher. C'est juste qu'il était trop checké. Tu sais, je fais juste penser, là, mettons, deuxième round, on affronte les Red Wings. Cronwall... Tu sais, entre la bande, puis là, Gallagher essaie de passer, puis là, Cronwall, PANG! Rentre dedans, c'est clair qu'il est démoli, là. Ça peut pas... ça prend plus que juste de l'énergie, ça prend plus que juste sa vitesse, parce que c'est pas le plus vite. Non, mais... Tu sais, puis il est frêle aussi. À un moment donné, il va en manger une, légale, puis ça va le maganer pour vrai, tu sais. Ah, c'est sûr, ben... Ça prend plus de... Tu sais, plus de passe, ça prend une meilleure vision... Parce qu'à un moment donné, le gars va être arrêté, puis en troisième ronde, il ne sera plus capable de rien faire si on se rend là. Ouais, ben moi, je l'essaierai avec Devante Smith-Pelling. Hein. Oui, intéressant. Parce... Côté vitesse, puis Hargne, ça pourrait donner de quoi. Prost, Gallagher, puis Smith-Pelling, là, ça pourrait aller déranger. Parce que Devante Smith-Pelling, il ferait de la place, ce que Gallagher a de besoin. Puis même chose, Prost. Si c'est pas Gallagher, c'est Prost qui va donner l'énergie. Fait que. Moi, je trouve que ça serait une bonne combinaison. Tu sais, je m'en fous que ce soit un troisième trio. Là. Gallagher, je pense qu'il s'en sac, il va jouer autant de minutes. Puis ça serait une bonne combinaison. Seule chose, c'est que là, tu n'as aucun centre. Mais écoute, à la limite, t'en mets un bien vite. À la limite, tu mets Heller aussi. Là, je veux dire, il faut juste qu'il soit capable de compléter les jeux. Mais Heller, j'aimerais ça, moi, la eggline là, qu'on n'arrête pas de voir parler sur les réseaux sociaux. Heller, Gallagher, puis Galchenyuk. Me semble que ça serait le temps. Là. On pourrait essayer cette combinaison-là. Ça serait le temps, mais justement, on va parler de Galchenyuk dans pas long. T'as deviné que je l'avais dans ma liste? Ben, je sais pas, sûrement. Là, mais oui, je l'avais dans ma liste. pour finaliser la finale, Gallagher, c'est il est bon. Il n'y a pas beaucoup de points, mais dans ma tête, c'est pas de sa faute, même si c'est à lui de se démarquer. Mais en tout cas, peu importe. Moi, je donne un 7.5. Parce que c'est Je te trouve généreux. Parce que, je le sais, à Montréal, on aime les travaillants. Mais il faut qu'il y ait des résultats aussi. Moi, je vois avec un 7. Ouais, mais tu sais, c'est pas qu'il veut pas. Non, je sais. C'est parce que quand il joue, là, Patcherity, je m'excuse, mais en ce moment, là... un gros zéro selon moi. Sinon, en tant que tel, quand il joue, mettons, avec Dernier, c'est pas lui qui va faire de la place. Hein. Puis avec Plekanec, c'est pas lui qui va faire de la place non plus. Fait Gallagher, il faut qu'il fasse sa place tout seul. Puis à Charpente qu'il y a, ben, il y a de la misère. Puis regarde, c'est plate, mais c'est le genre de joueur qui, oui, je le dis, si je peux l'échanger contre un plus gros gars avec plus de talent, ben. Il y a de la valeur, tu sais. Mais ça fait chier en même temps parce que je l'aime, puis il est travaillant, puis il lâche pas. C'est juste qu'il y a pas. Il faudrait qu'il y ait un format plus gros. Genre. Ouais. Format plus gros, on aimerait ça chez Plekanec, puis on aimerait surtout qu'il mette pas sa jupette pendant les séries. Ouais, ça n'est pas si pire. Un but, deux passes, 3 points en 6 matchs, plus 3. Efficace défensivement, réussi à amener une petite touche en attaque, mais encore une fois, je sens pas l'implication. On dirait qu'il s'en sacre. Ben, non, soit ben, il arrive en série puis plus de leadership, plus d'intérêt, plus on dirait que lui la saison finit puis après ça ben le reste ben écoute il arrivera ce qui arrivera, moi je suis là ben, m'en profiter si ça se passe bien. Ouais, mais en même temps, tu sais pas si pire. C'est peut-être le premier match, je pense que tu l'as vu sur une infériorité numérique. Je pense qu'il avait scoré le deuxième but en 15 secondes. Là. Mais c'est sûr qu'on en voudrait plus. Mais si tu regardes ses stats, c'est encore quand même pas si pire. Il a quand même 22 tirs. Il shot. C'est juste que Anderson, à la fin, il a fait des miracles. Un but, deux passes en 6 matchs. C'est quand même pas si pire, un plus 3, considérant que c'est nous autres, c'est vraiment plus défensif comme joueur qu'offensif. Je suis peut-être sévère, mais moi, je mets un 7. Je donne un 7, moi aussi. Bon. Mais tu sais, je veux dire, comme je te dis, il est correct, sans plus. Je pense pas que. Il a pas encore mis sa jupe. Il a peut-être encore des pantalons. Mais. Son slack, par exemple. Son loose. Ouais, peut-être. Il est peut-être en jogging, mettons. Là. Mais non, c'est. Il y a des trous dedans. Quand il se penche, tu vois, il fait des trous. Là. Non, je suis d'accord, mais je pense qu'un 7, c'est correct. C'est pas, il fait pas de flamèche, mais on n'est pas habitué à avoir des flamèches de Plakanec en série. T'sais. Monde ordinaire, là. Moi, je rentre enfin, là. Mes déceptions. Tes déceptions? Pacioretty puis Galchenyuk. Commençons avec Pacioretty. Deux buts. Ça a l'air pas pire, là, mais ouais, il y en a un dans un filet désert. C'est ça. Fait qu'il y en a juste un, mettons. Okay. Big deal. Je pense que sa commotion cérébrale qu'on n'a jamais dévoilée chez le Canadien en fin de saison, là, ça l'affecte encore. Ouais, moi je l'aurais même pas ramené. Parce que, sérieusement, il change absolument rien dans le game. Puis pour ceux qui le voient capitaine, là, l'exemple pourquoi je le mettrais pas là, c'est drette ça. D'accord avec moi? C'est là que ça compte. Il n'est plus là. Est-ce que... je mets le bémol de la peut-être blessure. Peut-être. Pas d'excuse. Peut-être. Mais, en série, mets tes bottes de travail. Et voilà. Il est pas là. Cap d'acier m'a gagné. Il n'est pas là. Il n'est pas efficace. Pourquoi le ramener si vite que ça? Parce qu'il a compté 37 buts dans sa saison. Eh oui, je le sais, là, mais on s'entend-tu qu'au match numéro 6, les Sénateurs d'Ottawa s'en occupaient même plus? Je pense qu'il n'y a même plus une couverture particulière auprès de Max Pacioretty parce que ils ont bien vu qu'il n'était pas efficace, là. Non, c'est parce que ce qu'il n'y a pas, c'est justement, comme tu dis, l'instinct du tueur, il n'y a pas la hargne, il n'y a pas ce que Subban a. Il est soft. Yes. Ouais, mais il n'y a pas ce que Subban a dans le sens que. Quand ça va mal, Subban essaye, Pacioretty, il suit le bateau. Ça va mal, il est pas, on dit qu'il est pas capable de faire quelque chose pour repartir le bateau. Tandis que Subban, parce que je compare souvent les deux. Capitaine Subban. Et voilà, hashtag Capitaine Subban. Il essaye quelque chose, tu sais, il veut que l'équipe reparte, même si des fois ça marche pas tout le temps, il essaye. Ce que Pacioretty, je reproche souvent, c'est qu'il fait rien. Faut que tu l'alimentes, sinon il fait rien. Puis moi, j'haïs un peu ça. Mais en série, pour vrai, moi, ma note, là, c'est pas compliqué, c'est 5.5. Oh, j'étais à 50%. On était pas loin. Non, moi, je donne 1.5 parce que deux, il y a quand même un but. Mais en tout cas, tu sais, c'est. Okay. Non, mais pour vrai, j'ai vraiment de la misère. Puis pour moi, Pacioretty, j'espère qu'il va se replacer en deuxième round. Puis j'espère que la journée de repos, il va la prendre. Pour se reposer puis se remettre dans le mood qu'il y avait dans la saison. Là. C'est probablement celui le plus content que les Lightning aient remporté le match d'hier soir pour gagner la série 3-3. Ça lui donne une couple de jours de plus parce que le prochain match, c'est mercredi. Fait que la série deuxième tour devrait commencer vendredi. Ce qui veut dire que le Canadien aura eu l'équivalent d'une semaine de congé. Là. Ça va faire du bien. Ça, vraiment, j'aime un peu moins ça des fois parce que. On dirait que tu perds le momentum que t'avais. Ouais, mais on l'avait pas anyway. Fait que, ouais, justement, il y a ça, puis on s'est fait frapper en tabarouette. Ouais. Galchenyuk. Ah! Je vais te le dire tout de suite, là, moi, je donne 5.5. À cause du but au moment opportun, un but grognant, c'est comme 1.5. Là. C'est pas rien qu'un but, c'est un but et demi. Là. Ça vaut sur le moral des troupes. Tu sais, ça a permis d'aller chercher une victoire. Mais... Il est où le talent de ce gars-là? C'est pourquoi que ça se débloque pas? Je comprends pas encore le mystère Galchenyuk. Il y a tous les éléments, il y a toutes les clés, il y a le physique, la vitesse, la vision. Puis pourtant, on dirait que chacun de ces éléments-là réussit pas à connecter entre eux autres puis faire le joueur dominant qu'on s'attend. Ouais. Ben, écoute, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, là, on a fait un switch, là. Moi, je donne un 5 à Galchenyuk. C'est ma moins bonne note. OK. Parce que, oui, il a scoré un but gagnant, sauf que son but gagnant, tant qu'à moi, il a juste fait une pause devant le net, puis ça a juste été chanceux, puis ça a rentré dedans, tu sais. Ben, j'en veux plus, dès de même. Essaye. On dirait qu'il essaye pas. Prends toutes tes chances. C'était tellement un bon tir, Alex, que... Moi, je l'appelle Alex. Ah, chummy. Alex, tire. Essaye de n'importe où. Je sais pas si tu as vu le match le dernier entre le Wild et les Blues de Saint-Louis. Parisé était le long de la ligne rouge en désavantage numérique. Il y a deux défenseurs sur lui. Allen se met dans une petite boule dans le coin. Puis il y a un mini trou. La rondelle avait des yeux, puis elle s'est rendue. Essaye. Essaye, mentor. En série, essaye. Non, c'est pour vrai, c'est je suis d'accord, faut qu'il y en ait une plus. Même là, je parle pas juste des séries, je parle de la saison. Galchenyuk, c'est... Moi, il m'a déçu cette année. Je m'attendais à mieux. Il a tous les outils. Le seul avantage, c'est qu'il va coûter moins cher pour son contrat le prochain. Puis ça va permettre de probablement pouvoir aller chercher un autre joueur meilleur avec le restant de l'argent qu'on lui aurait donné en temps normal, tu sais. Non, c'est ça. C'est la seule affaire, tu sais. C'est le seul point positif, mais clairement, faut que ce gars-là se réveille. Et on est rendu là qu'il y a des joueurs à la Fosberg dans la même QV que lui qui sont en train de le dépasser. Va falloir qu'il éclose comme du ventre, là. Ben, faudrait qu'il emprunte un peu de son bon ami Gallagher qui joue comme lui. Tout le temps, arrête jamais. Même quand t'es fatigué, t'arrêtes pas, tu y vas. T'as plus de lame après ton patin, tu continues pareil. Tu sais, je veux dire, c'est... Des fois, on dirait qu'il prend un peu exemple des fois sur Pacioretty. Ça, j'aime pas ça. Mais bon. Non, mais je suis confiant que ça va se replacer. Puis au pire des pires, si c'est pas cette série-ci, l'année prochaine, il va revenir en force. J'espère. J'ai prédit un 53 buts. Non, c'est pas vrai. OK, ouais. Non, mais en tout cas, j'espère qu'il va se replacer parce que justement, comme tu dis, c'est notre gros centre. On l'a, là. Faut juste qu'il prenne plus de place. Je ne sais pas si, avec un 20 minutes de jeu, il serait capable d'en faire plus. Si tu mets des bons alliés avec, parce qu'il s'est souvent tassé des fois. Puis c'est une autre affaire, là. Que j'ai un peu de misère avec là, tout le temps les changements de trio, là. Mais. Bref, je suis confiant pour la suite. T'avais-tu d'autres noms, toi, Stalys? Non, ça fait le tour. OK, ben moi, je veux juste racheter David Dernay. Ah, mais moi, je le mets même plus dans l'équation pour avoir du succès. Je suis rendu là. Ben, justement, ça, là, hey, ça je veux juste, dire... avant que tu rajoutes Dernay, je viens de faire la moyenne de nos notes, là, puis ça donne 68%. On vient de gagner une ronde avec, pour moi, là, le top 8 de nos éléments à 68% d'efficacité. Hey, hein? On était chanceux. Vraiment. Voyons Carey Price, comme ça. Carey Price. Puis encore, moi, je le sais pas ma top note, là. Fait que Dernay, continue. Moi, j'avais pas d'analyse pour lui parce que c'est plus un facteur. Ben, en fait, j'ai pas d'analyse non plus, mais t'as dit totalement ce que je pensais, c'est que c'est plus un facteur. Donc, bon, je sais que la poste a enlevé les facteurs, mais quand même, tu sais. La livraison à domicile. Ouais, vu de même. Mais il peut pas avoir un job de retraité, lui. Il s'améliore, il a plus de job. Mais tu sais, si tu regardes Dernay, il est quand même bon dans les mises au jeu. C'est pas le meilleur, là, tu sais, il est quand même en haut de 50%. Mais à part ça, il y a rien. Il est à moins 2. Lui et Smith Pelé, là, c'est les pires côté. Mais Smith Pelé, lui, il a été pas chanceux une couple de fois parce qu'il a shoté des beaux tirs, mais ça a pogné les poteaux. Mais pour Dernay. Ça arrive. Je vais être encore. Jean-Sébastien, tu vas être content, mais on va peut-être pouvoir l'échanger, lui, cet été. Si on peut se débarrasser de son contrat. Mais. Non, c'est justement, comme tu dis, c'est plus un facteur. On n'a plus de place pour lui sur l'équipe. Il est temps, je pense, qu'on s'en débarrasse. Quitte à avoir un choix de troisième ronde. On sauverait l'espace à la masse salariale. Et voilà. Puis, tu sais, des fois, un choix de troisième ronde, si t'es chanceux, tu peux avoir quelque chose qui fait du bien. Mais. Bref, c'était juste ça. J'ai pas de note à y donner parce que je pense pas qu'il mérite d'en avoir une. 68%. J'en reviens pas encore. En tout cas, je veux qu'on mini-jase un petit peu là, des sénateurs. Moi, j'espérais qu'ils fassent pas une série qui vise d'aller chercher McDavid. Ça sera pas le cas. On saura jamais s'il l'aurait eu. Mais une chose est sûre, ça a pas donné grand-chose à part une couple de piastres dans les poches des propriétaires d'avoir été en série. On s'attend à quoi l'année prochaine? Vont-tu être meilleurs, moins bons? Ben, je pense que oui. Honnêtement, là, j'avais vu, je me souviens même pas, j'ai juste comme ça, vite, rapidement, là, mais l'avenir pourrait être rose, là, dépendamment si ils prennent l'expérience acquise en série. Il y a quand même des bons jeunes. Là. Justement, Mark Stone, là, s'il est correct l'année prochaine, ça va frapper. T'sais, il est en liste justement pour le Calder. Carson, quand même assez fort, là, lui tout, il est en nomination pour le Norris. Fait que, t'sais, ça paraît direct en partant. Curtis Lazar, qui est quand même bon. Hoffman, lui aussi, il est bon. Il y a certains éléments. Là. Anderson, on a vu qu'il reprend sa place de numéro 1, qui est quand même assez efficace, en espérant que ça continue comme ça. Mais non, l'avenir est rose, pour vrai. Puis, même s'ils n'ont pas McDavid, s'ils font une bonne gestion d'effectifs, ça peut être intéressant. Je veux dire, s'il y a des joueurs qui peuvent s'arranger pour échanger ou pour avoir de quoi de bon puis améliorer l'équipe, tu sais, Hamon, moi, ça serait, genre, je profiterais. Faudrait pas être trop gourmand, mais il faudrait être capable d'aller chercher quelque chose pour les améliorer l'équipe. Pendant qu'il y a une valeur, moi, je leur filerais. Ben, c'est sûr, j'aurais fait la même affaire que Tokarski à Montréal. Sauf que probablement que Bergevin était trop demandant. Tu sais, moi, je m'excuse, mais Joey McDonald, en deuxième goaler, je m'en serais sacré pas mal, tu sais. Fait que tant qu'à faire, tu donnes un jeune, puis tant qu'à moi, là, cette année, il a perdu de la valeur. Fait que tu vas avoir moins que ce que tu demandais l'année passée. Non, c'est... comme moi, ouais, là, je pense que c'est vraiment une question de gestion d'effectifs. Faut que tu sois capable de bien jouer avec les pièces qu'il y a en main. Parce que là, Meta, t'es signé pour les... à taper, là. Je vais ouvrir NHL. Ouais, il y a 4 ans, je pense, qu'il avait signé. Ouais, c'est ça. Fait que Carson est signé, Meta, t'es signé. Fait qu'en défense, ton top 2 est là. Après ça, ça tombe ordinaire, là. T'sais, t'as Cowan qui est signé pour les deux prochaines saisons. 3,7 puis 4,5 millions. Mais Cowan, on l'a pas vu dans cette série-là. C'est intéressant, c'est un bon potentiel, mais tu sais, pour moi, le top 3 n'est pas écœurant. Là. Non. En attaque, tu sais, tu as Ryan qui décolle un nouveau contrat. Il va avoir 7,5 millions de dollars dans 4 ans par saison. Là. Puis il y a 2 buts en série, puis les deux dans le même match. Ouais. C'est le seul attaquant que je vois. Tu as Zibanejad qui peut être intéressant, puis Turris. Le reste, dans le top 3, tu n'as pas grand-chose. Là. Non, c'est sûr, mais c'est ça, c'est juste de... Faut qu'il vende sa salade, qu'il soit capable d'aller échanger des joueurs. Tu sais, comme Jean-Gabriel Pageau, là. S'il y a de la valeur, moi, ben plate, mais je l'échangerais. Parce que l'équipe, cette année, attends un peu, j'essaie de voir, cette année, 58 millions. Fait qu'ils ont de la marge en masse, pas pire, mais dans les joueurs qui ont à re-signer, Zibanejad, Chiasson, Stone, Hoffman, Pageau. Une couple d'augmentation de salaire là-dedans. Là. Ouais, Pageau, ça va être correct. Stone, Calder, j'imagine, ça va frapper. Okay, Zibanejad, oui. Moi, même lui, je suis sûr qu'il va demander. Lui, c'est le genre de joueur qui peut peut-être se baser un peu sur le contrat de Lars Eller. Là. Si Lars Eller est capable d'aller chercher un 4,5, ouais. Tant qu'à moi, Zibanejad peut aller chercher un 5,5 facile. Là. Ouais, c'est avec le comparatif, mais en même temps, je sais pas si ça va passer. Là. Ouais. C'est le genre de gars que je verrais aller en arbitrage. Ouais, clairement. Là. Il va sûrement s'en sortir avec un 3,74. Là. Ouais, une affaire de même. Là. Mais ça va monter les salaires à Ottawa. Puis il faut que justement il fasse la bonne gestion d'effectifs. Parce que Anderson, il est à 33 ans puis il est signé pour les 3 prochaines années. Fait qu'il faut qu'il soit bon jusqu'à l'âge de 36 ans. Sinon, t'es pogné d'impact avec un gardien de but qui vaut 3,5 dans la masse salariale. Ou à la limite, tu fais du tankage. Ouais, à la limite. Tu sais, le fameux phénomène. Moi, j'ai. On revient-tu là-dessus ou moi, on revient pas? Décolle-moi pas. Décolle-moi pas. Je t'ouvre une porte parce qu'on en a parlé un peu sur Facebook dans des discussions Facebook. Ouais. Mais ouais, non, c'est. Juste dire, je veux préciser au moins un élément. Pour moi, les Oilers, c'est pas du tankage. Le tankage, c'est quand une équipe s'enligne pour devenir moribonde, 9-10e position, puis au lieu de faire ça pendant 10 ans, des 9-10, faire ça tranquillement, aller dans les bas-fonds, comme les Oilers sont rendus qu'ils sont, dans les bas-fonds, il faut que tu reconstruises de zéro, avant que tu n'aies plus d'éléments qui n'ont aucune valeur, tu les échanges pour ramasser des choix. Un exemple de tankage bien fait, les Sabres de Buffalo. Ils étaient ordinaires depuis 2 saisons, ils ont tout vidé, Ils ont été chercher un maximum de choix. L'an passé, il y avait deux choix de première ronde. Cette année, ils en ont encore deux, si je me trompe pas. Tu sais, il y avait une affaire comme 12 choix dans les trois premières rondes des deux dernières années, là. Tu vas chercher 12 prospects et surtout, ils ont été chercher des défenseurs en premier. Et là, après ça, tout va riser en même temps. Les Sabres de Buffalo avec Eichel cette année, ne feront pas les séries. C'est ma prédiction. L'année prochaine, ils ne feront pas les séries, mais l'année d'après, les font. Autrement dit, les Sabres de Buffalo auront été dans les bas fonds de la Ligue nationale pendant 3 ans et après ça, ils rise. Les Oilers d'Edmonton, ça fait 10 ans. Ouais, mais ça, c'est pas... eux autres, ils ne font pas exprès. Non, c'est ça. C'est qu'ils auraient dû le faire comme du monde. Quand ils ont su qu'ils s'enlignaient pour dropper, vide. Comme les Maple Leafs de Toronto auraient dû faire cette année, tu le sais que ça va pas bien puis que ça s'améliorera pas. Échange tes loopholes, échange tous tes gros contrats. Là. T'échanges tout ça, puis tu ramasses des choix, puis après ça, tu rises tout en même temps. Mais ils l'ont pas fait. Non. Too late. Ben, ils vont peut-être, s'ils trouvent un bon DG, ils vont sûrement être capables. Ben, ils vont faire du patchage pour essayer d'aller faire les séries. Mais tant qu'à moi, à part Van Riemsdyk, tout ce qui est dans le, tu sais, Bozak, Loupoul, Kessel, à la limite même Kadri, je serais prêt à l'échanger. Tu échanges tout ça, puis tu vas chercher des choix, puis tant qu'être en bas, là, tant qu'avoir un club de bouette, échange tout. Faneuf aussi, Robida, ah ouais, tu sais. Ouais, Robida, je suis pas sûr qu'il y a une grosse valeur, mais... Non, mais, tu sais, une équipe comme les Oilers, Robida, si tu lui dis, ben, ça va coûter un choix de quatrième ronde, ils vont le ramasser, tu sais. Ouais, c'est sûr, puis ça leur prend en plus des vétérans. Ben, c'est ça, tu sais. Il est capable de jouer dans le top 6. Pour les Oilers, ça va être du patchage. Tant qu'à moi, là, ça serait du patchage. Mais pour les Maple Leafs de Toronto, ça serait d'aller chercher un maximum de choix au repêchage pour reconstruire. Moi, du tankage, c'est ça. C'est d'accélérer un processus qui est inévitable. Et ceux qui me disent, je compte le tankage, je n'ai pas de bon sens, blablabla. Les Oilers, là, écoute, c'est pas les premiers à faire ça, à être dans la cave pendant longtemps. Les Hawks ont été en dehors des séries 9 fois dans les 10 années entre 1998 et 2008. Ouais, non, mais moi, je dis pas que je suis contre. Je dis juste que j'aime pas des fois comment que les équipes le font. Parce qu'ils font mal. Ouais. Ben, c'est ça. Tu sais, comme on s'entend. Je trouve. Les Sabres de Buffalo, c'était zéro subtil, mais en même temps, rendu ce qui était, c'est correct. C'était inévitable qu'ils se ramassent en cage. C'est un peu comme... Ouais, mais c'est pas... Je trouve ça touché, mais les Oilers, c'est juste plat, mais en même temps, c'est pas de leur faute, là, je veux dire. Ben oui, c'est de leur faute. Ils ont pas voulu faire du tankage quand c'était le temps. Quand il y avait encore des joueurs de valeur, ils l'ont pas fait. Ils ont attendu que ce monde-là prenne leur retraite. Ouais. Non, c'est... En tout cas, le phénomène, moi, je suis 50-50, là, ça dépend. Là. J'ai de la misère un peu, mais je comprends en même temps, tu sais, comme t'expliquais, même dans la NBA, ils le font. Avec la loterie dans NBA, là, ils pensaient ralentir le tankage, puis plus ils mettent des choix possibles. Là, check ça. Là, cette année, vous pensez que les équipes, ça tankait, là, parce qu'il y avait McDavid, et t'avais un club qui se ramassait numéro 1. Imaginez si t'es un club qui est ordinaire, puis tu te dis, ben écoute, j'ai toutes les trois premières positions qui sont accessibles au repêchage, j'ai juste besoin d'être en dehors des séries. Il y a une couple de clubs qui vont lâcher prise pas mal plus rapidement. Parce qu'ils vont se dire, ben écoute, j'ai la chance de ramasser un des top 3 prospects à chaque saison. Ça va être intéressant là, pour le tankage. Il y a des clubs qui vont probablement décider de le faire plus rapidement au lieu d'attendre une année de trop à la Maple Leaf de Toronto. Ils vont décider de le faire right on. Puis les choix, les possibilités de ramasser dans le top 3 vont être pas mal plus grandes. Fait que ça va être plus alléchant pour plus de monde. Ouais. On en parlera au prix l'année prochaine du tankage. On va spotter l'équipe qui le font. Un club intéressant pour faire du tankage, là, tant qu'à moi, ce serait les Flyers actuellement. Là, avec Le Cavalier, Hamburger, ouais, Reid. Tu sais, t'en as une couple là, que tu pourrais. Tu sais, Strite, McDonald. Shen, Grossman, tu sais, quasiment tout dans défensive est échangeable. Puis là, après ça, tu piques des défenseurs, puis des gardiens de but, puis de se reconstruire. Ouais. Non, c'est une... J'avoue. Mais moi, j'aime pas les Flyers. J'ai de la misère avec cette équipe-là. C'était pas prévu. On n'était pas censé parler de tankage. Non, mais stratégie de DG. Je vous explique comment moi, je ferais ça. Vous êtes d'accord? Ben tant mieux. Vous n'êtes pas d'accord? Ben tant mieux aussi. Venez en jaser avec nous autres sur la page Facebook de Hors-Jeu. Tant que ça se fait dans le respect, moi, je suis prêt à négocier. Je suis prêt à argumenter. Il n'y a pas de problème. On est ouvert à tout ça. Si tout se fait dans le respect, on est prêt à jaser. Je veux qu'on parle un petit peu des nominations pour les trophées, Jerry. Vas-y. OK. On a appris hier que le trophée Norris, les trois candidats sont Piqué Souban, Eric Carson et Drew Doughty. Et là, ben, bien sûr, les discussions se sont enflammées sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens qui prennent pour Carson ou Doughty, puis Souban est comme le sous-évalué là-dedans. Ouais, ben en fait, autant qu'à moi, ça se passe entre Souban et Carson. Je veux dire, Doughty, il n'a pas vraiment les stats. Puis, tu sais, son équipe n'a même pas fait les séries. Tant qu'à moi, tu le tasses assez vite. Mais ce qui est intéressant, par exemple, c'est justement la comparaison entre Carson et Souban. Parce que, comme qu'on disait hier sur Facebook, ceux qui étaient dans la discussion... Suivez-nous, ça va à peine. Ah ouais, il faut nous suivre. On s'entend, tu sais, comme Souban est à plus 21, Carson est à plus 7. Carson, il a 21 buts, Souban en a 15. Pour un total de comme 66 points pour Carson puis 60 points pour Souban. Moi, tant qu'à moi, pour un défenseur, avoir un meilleur différentiel a plus d'importance que d'avoir plus de points. Et voilà. Tu sais, plus 14 de différentiel, tant qu'à moi, ça vaut pas mal plus que le plus 6 points. Ouais. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Puis c'est là que ça le dit. C'est le trophée pour le meilleur défenseur. Trop souvent, l'offensive a un gros impact, par exemple. Oui, mais en même temps, moi, comme j'avais dit aussi, Souban n'a pas fonctionné pendant environ 2-3 mois, peut-être même 4. Là. Il a 60 points, plus 21, 15 buts. Est-ce que, si tu te fies, je sais qu'ils ne se fieront pas là-dessus, mais imagine qu'il aurait fonctionné à plein régime toute l'année. Ben ça, c'est censé être un désavantage pour lui, là, le fait qu'il n'ait justement pas fonctionné toute l'année. Ouais, mais en même temps, Carson, ça a fait la même affaire. Il n'a pas fonctionné nécessairement toute l'année parce que son équipe ne fonctionnait pas autant, tu sais. Non, j'en conviens. Les deux sont de même. Mais imagine Souban s'il aurait marché à plein régime toute l'année. Est-ce qu'on aurait eu le droit à un défenseur avec du 80 points, là? Peut-être. C'est sa meilleure saison, soit dit en passant, côté production offensive. 60 points cette année contre 53 l'an passé, qui était sa précédente meilleure saison. Il s'améliore à chaque année. Ouais. Puis, comme le meilleur argument pour moi, c'est le plus 21. Tu peux pas. Puis, tu sais, à un moment donné, là, il y a du monde qui vont dire ouais, mais là, le différentiel, là, c'est. Tu sais, gardien de but, gros impact. Ouais, mais là, t'as Quick, Haley, tu sais, t'as Anderson, t'as Hammond, qui goalait sa tête pendant 25 matchs. Tu sais, toutes ces équipes-là ont des bons gardiens de but. Dans la Ligue nationale, t'en as plus des gardiens de but ordinaires, tu sais. Puis justement, vous dites, moi j'ai entendu, j'ai lu du monde dire ouais, mais là, les Kings, ils avaient une saison ordinaire. Ben justement. C'était à lui de faire la différence. Ben, c'est à tes meilleurs joueurs de changer ça, tu sais. Puis si c'est qui le meilleur joueur, supposément, pour les Kings? Ben, Doughty, tu sais. À un moment donné, tu peux pas prendre l'équipe comme étant un négatif pour un joueur, puis que lui, c'est, tu sais. Comme si lui s'en lavait les mains. Là. C'est pas même, ça marche. Là. Tout le monde a un impact. C'est un jeu d'équipe. Puis oui, tu regardes pour un trophée individuel la performance du gars individuellement, mais tu peux pas prendre juste le négatif d'une équipe ou juste le positif pour influencer la décision sur qui tu vas prendre. Moi, je trouverais ça aberrant que Drew Doughty ramasse le Norris cette année. Ah non, ça serait juste dégueulasse. Ça serait comme dire que les stats ne valent rien. Donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire que à peu près n'importe quel défenseur, tu pourrais prendre un gars qui a 3 points dans la saison, mais puis un différentiel de 0, puis tu pourrais dire « Ouais, il est bon dans les deux sens de la patinoire, tu sais, c'est pas fait marquer, il était bon pour son équipe. » Ouais, OK, mais tu le justifies comment? Ça m'a donné des stats, c'est important, tu sais. Moi, je veux juste dire une affaire aussi. Doughty est en nomination, ce que je trouve assez bizarre, considérant qu'il y a d'autres joueurs avant lui qui auraient pu l'avoir. Tu sais, je sais que, bon, Christopher Letang, quand même, hey, il y a une saison de 69 matchs à cause de la blessure, fait que probablement que c'est ça qui l'a sorti, mais il y a 54 points. Ouais, Giordano aussi, c'est ce qui l'a sorti, c'est des blessures. C'est ça. Puis Doughty, il y a une moins bonne saison que Andrei Markov. Ouais, si tu regardes t'sais, les chiffres, oui, c'est ça. Tu sais, Markov est à plus 22. Fait qu'on met Markov comme finaliste au Norris, tant qu'à ça. Ben, on aurait pu. Ben, c'est aberrant de même. Je comprends même pas pourquoi que Doughty est dans les nominations, pour vrai. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'il fait là. Il y a des joueurs bien meilleurs que lui qui auraient pu être en nomination. Regarde, en Nashville, là, t'en as un qui s'est sorti du lot solide. Roman aussi, là. John Carson au Capitals, lui tout, il sort du lot. Je comprends même pas comment Doughty a fait pour se placer là. Ben, chez Weber, 45 points plus 15. Tu sais, tant qu'à ça. 46 points plus 3 pour Doughty. Totalement. Weber passe en avant, là. C'est ça, je comprends pas. Je ne comprends même pas la nomination de Drew Doughty dans les trois candidats pour le Norris. Ça ne me vient même pas en tête. Il y a d'autres joueurs, défenseurs. Ben, Dennis Wideman, 56 points. Regarde. Eh oui, c'est t'en ça. T'en as-tu d'autres arguments? Il y en ben, a plein. Ben, vas-y, sors-en des arguments. Non, mais tu sais, Justin Fox, bon, il y a moins 19, là, mais quand même, il y a plus de points que Doughty. Il y en a plein d'arguments au lui. Là. Si tu regardes les stats, c'est pas le premier. Là. Fait que j'ai. En tout cas, bref, Doughty, c'est fini. Là, il l'aura pas, le Norris. Mais si tu compares entre les deux, entre Carson et Piqué Subban, moi, personnellement, je mets Piqué Subban. Moi aussi, je comprends même pas qu'il y ait un débat. Puis en plus, à Montréal, on est de même. Hein, oui, on l'aime, Piqué Subban, mais moi, on dit qu'on aime ça le détester aussi. T'sais. Ouais. Fait que là, on le compare avec d'autres mondes, puis ben, les autres sont tout le temps meilleurs parce qu'ils sont ailleurs. Ah ouais, mais Piqué fait des erreurs des fois. Mais les autres aussi. C'est juste que Piqué Subban, tu les as vus 82 fois par année, ses erreurs. Tandis que Doughty, si tu l'as vu une fois dans la saison puis qu'il y a eu un bon match la fois qu'il a joué contre Montréal, c'est comme s'il avait été 82 fois super bon. C'est pas de même, ça marche. Ouais, puis une autre affaire aussi, c'est que il y a 7 points de moins que Max Pacioretty. Ça peut-tu dire que c'est dans tes piliers offensifs de l'équipe? Ben oui. Fait que tu sais, bref, Subban for the win, le Norris. C'est Piqué Norris. Piqué, ouais, ça serait son deuxième, soit dit en passant. Ouais, en plus. Puis non, pour vrai, bref, j'ai un feeling que c'est Carson qui va le gagner. J'ai aucune idée pourquoi, mais j'ai le feeling que c'est lui qui va l'avoir, juste à cause de la remontée de l'équipe. Sais-tu pourquoi il va l'avoir, Carson? Parce qu'il n'y a pas Price. Non, parce qu'il n'y a pas Price. Ah, ouais. Ah, peut-être. Ça va probablement jouer dans le vote. Ah, Price a été tellement bon que ça a tout modifié les chiffres de Subban. Ah, mais ça, je trouve ça caf, pareil. Ben, c'est parce que tant qu'à ça, Anderson puis Hammond, leurs bons chiffres devraient eux aussi influencer négativement le capital de sympathie que Carson a. C'est ça, je te dis. Tu peux pas prendre juste le positif pour un joueur, puis prendre juste le négatif pour un autre pour après ça les comparer. Ça marche pas de même. Faut que tu prennes tout en considération. Là. Si mais tu le prends d'un bord, faut que tu le prennes de l'autre. Je serais content que Subban le gagne. Ça, il mérite. Trophée Vézina. Le Canadien de Montréal, dans la dernière année, avait deux candidats au trophée Vézina dans ses rangs. C'est particulier, hein, pareil. Mm. Devan Dubnyk, la surprise, il regarde la rondelle, man, avec ses yeux. Ça a tout changé. Et candidat, puis Carine et Carey Price, bien sûr. On jase. Qui gagne? Ouais, la discussion va être assez facile. Carey Price. Mais par exemple, je suis content que David Dubnyk soit là-dedans. Oui, parce que j'en malgré ai parlé, le nombre de matchs, là. Oui. Ben, il y a quand même une bonne saison, là, si tu regardes ça. Là. Il y a des bonnes stats, il y a quand même beaucoup joué, puis en plus, ça a été un facteur, autant que Carey Price a été un facteur pour le Canadien, ça a été un facteur pour l'équipe du Wild. Ouais, mais juste te dire, là, 20 matchs avec l'Arizona, 19, là, j'arrondis, puis 40 avec le Wild, ça lui donne grosso modo 60 matchs de jouer. Ça, c'est correct, c'est comparable. Là où est-ce que moi j'ai de la misère, c'est que ces ratios varie complètement d'une équipe à l'autre. Avec le Wild, il a une moyenne de bien loué de 1.78 et avec l'Arizona, à 2.72. C'est un but par match de moyenne de différence. Et le pourcentage d'arrêt passe de 916 à 936 avec le Wild. Ça, c'est 0.02 pourcentage d'arrêt. Donc, à peu près 2-3% là, d'efficacité de plus. C'est complètement différent selon l'équipe. Avec l'Arizona, il n'a pas été dominant dans un club faible, mais il a réussi à être dominant dans un club qui avait des éléments défensifs pour pouvoir l'aider aussi. Là. Non, ça c'est sûr. Ça a vraiment joué. Là. S'il avait été toute la saison avec le Wild, moi j'aurais embarqué. Là, c'est la différence de chiffres. Le gars n'est pas devenu tout d'un coup un meilleur gardien de but. T'sais. Fait que ça veut dire que l'équipe en avant de lui a eu un impact sur ses performances. Non, ça c'est sûr, mais quand même, je veux dire, en tout cas, je suis quand même content qu'il soit là, mais de toute façon... Mais oui, c'est une belle réussite. Probablement que Hammond, avoir joué une dizaine de matchs de plus, aurait pu être candidat aussi, puis ça aurait été mérité. Là. Je dis pas le contraire, sauf que pour moi, la différence de stats entre le même gars, mais dans deux équipes différentes, démontre que la performance de l'équipe, la qualité de l'équipe en avant de lui, a eu un impact sur ses chiffres à lui. Non. Ce que les deux autres n'ont pas. Voilà, c'est mais encore une fois, Price va gagner, puis c'est juste comme trop évident. Je veux dire, ça, c'est le trophée. Tu sais, quand Subban Carson, à la limite, je vais faire, bon, OK, ça va être un ou l'autre, là. Ben, le Vezina, je veux dire, il n'y a aucune argumentation qui va être contre Carey Price cette année, là. Il est premier pour le pourcentage d'arrêt, premier pour la moyenne, deuxième pour les blanchissages. Ouais, puis encore là, c'est à un moment donné, là. Le blanchissage, le dernier, je pense que c'est Fleury qui est premier avec 10. Ouais. Dernier game contre Buffalo. Hey, hein? On ben, s'entend, là. Ben, écoute, il les a blanchis pareil. Je sais, mais en tout cas, tu sais. Non, Carey Price pour le Vezina. Puis quatrième pour le nombre de minutes de jouer. C'est. Les tirs bloqués, cinquième. En tout cas, tout ça pour dire que. Des records, puis c'est sa meilleure saison en carrière. Fait que, ouais. Ensuite, je veux qu'on parle du Calder. Ça implique pas de gars de Montréal, mais je trouve que c'est les trois, pour moi, les trophées individuels les plus intéressants. Après le Hart, mais là, les nominations sont pas encore sorties, fait qu'on peut pas en parler tout de suite. Mais jusqu'à maintenant, c'est les trois trophées individuels intéressants, tant qu'à moi. On retrouve Johnny Gaudreau, Mark Stone et Aaron Ekblad comme candidats. Et là, moi, il va falloir que tu me donnes une couple de secondes que je sorte les fiches parce que c'est pas des gars que je connais par cœur leur performance. On a entendu beaucoup parler de Johnny Gaudreau, Monsieur Hockey. Johnny Hockey. Non, mais c'est vrai que, tu sais, mettons Gaudreau, encore là, moi, je pense que ça va peut-être. C'est sûr que ça joue entre Gaudreau et Stone. J'ai l'impression qu'ils ont eu plus d'impact sur leur équipe que Aaron Ekblad. Ben, 40 points plus 12 pour un défenseur. Pas pire ouais. Impact, là. Ouais, mais l'équipe n'a pas fait les séries. Je sais que c'est les Panthers, mais pareil. Il n'y a pas le. Il n'y a comme pas le plus value. Juste pour mettre. Tu sais, Gaudreau... va falloir que tu me le vendes, ça, cette notion de plus-value, parce que s'il y en a un qui a une influence sur une équipe, c'est bien un défenseur numéro 1 oui. À la Ekblad. Là. Effectivement. Sauf que, tu sais, je veux dire, si on regarde, tu dis de regarder le tout, on s'entend que Gaudreau s'est sorti pas mal d'affaires avec son 5 pieds 10, 170 livres mouillés. Il a quand même eu une christie de bonne saison. Pour Mark Stone... C'est lui, le même nombre de points, hein, les deux. 26 ouais. Buts, 36 passes, 64 points pour Stone et 24-40 pour 64 points pour Gaudreau. Fait que c'est vraiment pareil. Là, c'est le même nombre de points, même nombre de matchs. Moi, je le donnerais honnêtement à Johnny Hockey parce que je trouve qu'il a fait une différence dans l'équipe. Il a rendu ses autres joueurs meilleurs aussi. Il y a le petit quelque chose qui fait que je le donne, moi, à Gaudreau. Je sais pas, c'est... Moi, je sais que les défenseurs sont toujours désavantagés là-dessus parce que on va regarder la performance offensive en premier, ça flash plus, putain. C'est plus spectaculaire. Mais un défenseur recru qui joue 22 minutes en moyenne par match, qui nous présente une saison de 40 points plus 12... dans une équipe ordinaire comme les Panthers, moi, je vais avec Ekblad. Ouais. Mais je sais qu'il ne gagnera pas. Mais mon choix, mon cœur me dit que c'est Ekblad. Et je considère que c'est celui qui va avoir probablement la meilleure carrière des trois. Ah, ça peut-être. Juste le fait qu'il est gros, là, puis tant qu'à moi, l'année prochaine, je pense que les Panthers font les séries, là. Bon, d'un, ils ont re-signé Jaguar. Fait que, en partant... Merci de le dire. C'est important. Mais non, pour vrai, je pense que... Ben, sérieusement, c'est calme, mais Jaguar a apporté quelque chose à l'équipe. Oui. Avec son expérience. Pas pour l'année série, là. Mais je pense pas que c'est lui qui va côté point, mais côté... Jaguar fait avec les Panthers qu'un autre vétéran aurait pu faire avec les Oilers. Dans le sens qu'il les a guidés... Puis ils ont juste suivi le pas. Puis ils ont le talent. Puis comme tu dis, avec les Ekblad, puis tout, là, Bjorkstad, je sais pas comment tu le dis, là, mais. Bjorkstad? Ouais, lui, tu sais, Huberdo a levé son jeu d'un cran. Toute l'équipe, on dirait qu'ils ont comme steppé à l'arrivée de Jaguar. Puis. J'espère pour eux autres une participation aux séries. Ça serait vraiment nice. Puis. Non, mais regarde, je suis d'accord quand même pour dire que Ekblad sort son jeu de. Hey, 40 points pour un neuf, c'est surtout une saison recrue, c'est solide. Mais bien évidemment, comme tu dis, ils vont probablement plus favoriser un attaquant. Puis Gaudreau, je pense, juste le fait avec le 40 passes, ça paraît, là. Je veux dire, il rend les autres meilleurs aussi, tu sais. Check là, je rentre jamais en ligne de compte là, pour le Calder parce que c'est pas un facteur, mais Gaudreau a 21 ans, Stone a 22, puis Ekblad en a 19. Là. Ouais. Fait que, tu sais, en termes d'avancer sur le développement, Ekblad est en avance. Ouais. Pour le même âge, mais en tout cas. Je sais que ça rentre pas en ligne de compte. En là. Plus, là. Ben oui, c'est toujours les attaquants qui sont priorisés pour le Calder, mais je considère pour moi que. Ekblad mériterait, mais je consens que probablement que ça va être Gaudreau parce que tu sais, côté vendeur, spectaculaire, tu sais, puis c'est le gars que. Il me semble qu'on a entendu parler toute la saison, partout dans la ligue. Des belles flamèches, des jeux éclatants. Je comprends qu'il soit nominé, là. Qu'il soit nommé, en fait. Ma déception, c'est Jonathan Drouin. On nous l'avait vendu comme un futur Calder, puis yep. Tabarouette qui a frappé un mur, lui. Écoute, je regardais ça, ça fait pas si longtemps. T'as pu, faut que je ressorte la stats. Là. Draft by ear. C'est 2014, non? Il a été repêché en 2000. Ouais, c'est le 2 ans. L'année passée, il a joué junior. Bon, 2013. Ce que je regardais, là, c'est de savoir c'est quoi par rapport à les autres qui ont été repêchés dans la même année que lui. Et troisième overall, et à part Darnell Nurse, qui a été repêché par les Oilers d'Edmonton, encore eux autres, c'est le seul dans le top 10 qui n'est pas encore bien implanté dans son équipe. Hein? C'est le seul, puis il a été repêché troisième. Ça commence à être tard pour Drouin. Non, tant qu'à moi, ça va être probablement... faut falloir que je se replace parce que d'après moi, ça va être une carrière qui va piquer du nez sinon. Là. Mais encore là, ce que j'aime pas, c'est que bon, on est au Québec, il a joué dans la Ligue junior majeure, c'est un Québécois. Le gars nous a été vendu, il a été repêché troisième. Je pense que nous autres, au Québec, on a un gros hype pour Jonathan Drouin, mais... Tu sais, pas de là à dire que c'est un Louis Leblanc, là, mais d'après moi, il va avoir moins d'impact que ce qu'on pense, à moins qu'il se replace. Je veux dire, c'est normal, ça se pourrait, là, mais j'ai le feeling que ce gars-là va peut-être piquer du nez. Tu sais, si tu regardes ça, en plus, là, il est petit, je pensais qu'il était plus gros que ça, là, mais 5 pieds 10, 186 livres, il va falloir que ça... Non, tu sais, c'est considérant que, mettons, Barkov, là... Ouais, mais... Ce que je me rends compte, c'est qu'il est probablement pas dans un bon mix. Le nombre de joueurs offensifs de finesse spectaculaire, tu sais, de jeu de tic-tac-toe avec le Lightning est peut-être trop élevé, tu sais. Ouais. Fait que c'est difficile d'aller prendre une place dans le top 6 de cette façon-là parce qu'il peut pas se démarquer, il est comme tous les autres. S'il était dans une autre équipe, peut-être qu'il amènerait quelque chose de tellement différent que ce serait plus facile de percer. Mais encore là, on le saura jamais. Il est dans cette équipe-là, puis il va y rester. Fait que, on le saura jamais. Mais c'est ça, dans le top 10 du draft 2013, c'est avec Darnell Nurse, c'est probablement le moins bon du lot jusqu'à maintenant. Là. Fait que ça commence à être tard. Là. Ça commence en espérant que ça se replace. Ouais. Autre sujet, Jerry? Ouais, ben dans le fond, moi, je vais revenir un peu sur un sujet qu'on parlait tantôt. Puis, je veux savoir, ben dans le fond, on parlait de quelque chose, puis on se dirige plus vers ça, les dynasties. Est-ce que ça se peut encore? Ça, c'est un sujet, dans le fond, qui m'est venu en tête parce qu'on en a parlé intensément sur Facebook. Moi, je vais donner mon opinion directement. Je ne crois pas que ça se peut que ça existe. Puis les plus proches qu'on a eus, ça a été les Kings puis Chicago, parce qu'ils ont gagné comme deux coupes dans 4 ou 5 ans. Là. Ils se sont comme échangé les coupes. Je pense pas qu'avec la parité dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, c'est possible. Encore là, je peux me tromper, mais il y a des équipes qui peuvent s'imposer plus, mettons, sur une longue période, mais ça plante assez rapidement. Je vais donner le meilleur exemple, justement, c'est, je pense que c'était l'exemple que tu avais donné, les Pingouins. Mm-hmm. Tu sais, c'est une équipe qui était vraiment haute pendant un méchant bout. Puis là, aujourd'hui, on en parle comme bon, ben, il faudrait peut-être qu'ils changent une de leurs super vedettes, puis tu sais, des affaires la même. Moi, une dynastie, c'est une équipe qui t'es voit à chaque année, puis que tu te dis c'est impossible que ce soit quelqu'un d'autre. Ils vont rentrer dedans, puis ils vont gagner la coupe comme 4 ans, genre. Moi, je considère qu'il y a eu une mauvaise gestion des effectifs avec l'équipe des Pingouins. Je reviens. On est en 2006-2007, OK? Ça fait 3 ans que Crosby est repêché. Fait 120 points dans cette saison-là, OK? Il y a Crosby, Malkin, Ricky, Gunshaw, Whitney, Stahl. Après ça, je descends un peu dans les charts. On a ensuite Christopher Le Temps, Marc-André Fleury. Il y a tout dans cette équipe-là pour avoir un bon développement des joueurs pendant longtemps. C'est ça, pour moi, une dynastie, c'est d'être en mesure de nous présenter une équipe qui, à long terme, va être en mesure de gagner, être un contender année après année. Et ce qu'on n'a pas fait chez les Pingouins, c'est d'être en mesure de bien encadrer les joueurs de centre. On avait un surplus de centre et moi, je pense qu'on aurait dû échanger Malkin il y a quelques années de cela, quand il y a eu des saisons là, d'un point par match, là. Et d'aller chercher les éléments pour compléter le top 3 sur les ailes, ce qu'on n'a jamais fait. Et surtout, le problème, c'est qu'on s'est entêté à donner des gros salaires à des gars qui n'avaient pas d'affaires à l'avoir. Ryan Malone, je pense entre autres à lui. Colby Armstrong, je pense à... On a été chercher des joueurs qui ont été surpayés sur le marché des joueurs autonomes parce qu'on se disait, oh, il nous manque ça, il nous manque des vétérans pour aller chercher la coupe. C'est cette gestion d'effectifs-là qui a été mal faite. Au lieu de miser sur les jeunes puis de continuer à riser tout ensemble, on a été patché avec des éléments puis on a donné des gros contrats à des joueurs qui ne les méritaient pas vraiment en espérant être en mesure d'avoir les fameux ailiers pour aller encadrer Crosby puis aller produire sur la première ligne. C'est vraiment de cette façon-là qu'on s'est tué chez les Pingouins. Et ça a donné finalement deux finales de la Coupe Stanley, 2007-2008, puis c'est tout. T'sais. Après ça, c'est retombé parce qu'on a mal géré les effectifs. Pour moi, l'équipe avait tout ce qu'il fallait, mais la direction a mal fait son travail pour aller les encadrer. Ouais, non, je suis d'accord. Mais pour moi, j'aime le principe d'une équipe qui, à chaque année, peut se battre. Mais pour moi, une dynastie, c'est vraiment une équipe que tu peux que les voir en finale de Coupe Stanley à chaque année, puis qui gagne la Coupe. C'est, mettons, une dynastie, pour moi, c'est 4 ou 5 Coupes cette année d'affilée. Ce qui, c'est clair que dans notre génération, on verra pas ça, là. Si oui, ça va être du gestion d'effectifs en tabarouette avec des contrats genre, tu vas dire à tes gars, regarde, tu veux-tu gagner, tu vas rester avec moi, puis ça arrivera plus dans la génération. Là. Encore là, peut-être que les seules équipes, puis tu sais, genre les Chicago, là, comme je disais dans l'épisode, c'est les Red Wings de notre génération. C'est une équipe qui regarde, même cette année, on voit, là, moi, j'ai voyé se faire sortir par Nashville genre en 5, là. Puis crime, c'est eux autres qui ont gagné, là. Il passe à la prochaine ronde. Puis, à part le Tu sais, il y a des équipes. Chicago, je pense que cette année, crime, si ça continue de même, je peux quasiment dire qu'ils vont aller en finale. Ça serait nice, mais je suis même pas prêt à dire que c'est une dynastie. Tu sais, je pense entre autres, tu sais, je t'ai parlé tantôt des Sabres de Buffalo et leur tankage. Je pense que cette équipe-là a ce qu'il faut pour pouvoir devenir une dynastie. S'ils font bien leur move, là, s'ils échangent les bons joueurs au bon moment, je pense que tu peux devenir une dynastie. Le principe, c'est de... tu y vas avec du tankage au début. Après ça, ben, quand tu as tes jeunes qui vont riser ensemble, ben, tu échanges les vétérans qui vont devenir inutiles, que leur performance va être moins bonne que leur salaire. Donc, tu les achètes, tu buy low puis tu sell high. Donc, tu les vends quand leur valeur est au max. Et t'attends que tes jeunes rise jusqu'à devenir à leur plein potentiel. Et dès que tu sens que tu passes le cap des 32-33 ans, t'échanges. Dès que tu te rends là, t'échanges contre des prospects puis des choix de première ronde, puis tu continues à revoir des jeunes prospects. Ce que ça va te permettre, c'est que tes vétérans qui devraient coûter cher, ben tu vas les échanger, donc tu n'auras pas payé leur salaire. Et en retour, tu vas avoir des jeunes qui vont s'améliorer puis vont venir prendre la place. Faut tout le temps que tu aies un roulement. C'est là que moi, je considère que la gestion d'effectifs est mal faite dans la Ligue nationale parce que trop souvent, on essaie de patcher des solutions à long terme. Ouais. Puis je sais que t'aimes beaucoup les Blackhawks. Ben, en fait, j'aime, mais j'aime... Tu sais, c'est pas dans mes clubs préférés. J'aime comment... C'est parce que dans le fond, ils ont comme le défenseur, Duncan Keith, ils ont des bons attaquants, mais tu sais, je suis pas un tripeur des Blackhawks. Non, je sais, mais je comprends que tu apprécies la façon que le club est fait. C'est bien correct, là. Sauf que pour moi, aller chercher Antoine Vermette contre un choix de première ronde, quand tu vas devenir UFA, ou encore aller chercher David Perron contre un choix de première ronde, quand lui aussi livre pas la marchandise, pour moi, le choix de première ronde aurait été plus utile que Vermette. C'est sûr. Que Perron, dans les deux cas. Et les équipes font trop souvent ça. Vont surpayer pour des joueurs qui sont à la veille de diminuer en termes de performance. Antoine Vermette a 31 ans. Un attaquant aux alentours de 32-33 ans voit sa performance, sa production offensive péricliter, donc diminuer. Antoine Vermette n'a jamais été reconnu pour être un joueur offensif outre mesure. Puis là, en plus, tu t'en vas le chercher contre un choix de première ronde. Non, ça, c'était dégueulasse. Là. Ça, moi, c'est une affaire, je suis content justement que Bergevin... Man, le gars, il a 38 points cette saison, moins 25, puis tu l'échanges pour un choix de première ronde. C'est-tu moi qui n'ai pas compris? Non, t'as compris, c'est juste lui qui n'a pas catché. Puis c'est censé être un bon DG, là. Ouais, c'est... Peut-être qu'il disait qu'il n'en avait pas de besoin, ou... Je sais pas. Non, c'est moyen, pour vrai. Puis encore, comme je disais, c'est une affaire que j'aime de Bergevin. C'est qu'il suit pas cette surenchère-là. Regarde Vanek l'année passée, là, il a rien donné pour. Puis il savait qu'il perdait, tu sais. Moi, l'an prochain, là, je reviens avec les Blackhawks. L'an prochain, là, moi, j'échange Ossa puis Sharp. Ah, oh, ben Sharp, t'as comme moi, il sera même pas gardé à le garder. Là. Il semble qu'il y a des contrats signés là-bas. Pis ben, Ossa, il signait jusqu'en 2018-2019, puis Ossa jusqu'en la fin de saison 2016-2017. Voilà, mais il va falloir qu'ils s'en débarrassent. Il y a des jeunes qui vont falloir qu'ils signent. Ils ont 35 puis 32 ans. Moi, je change ça. Là. Mm-hmm. Tu vas chercher des jeunes, début vingtaine, puis tu veux qu'ils grandissent avec l'équipe, puis qu'ils vont venir qu'à s'améliorer, puis ils vont prendre la place. Là. Non, je suis totalement d'accord. Il faut juste voir qu'il le fasse. Des fois, c'est bon de se garder des vétérans, mais là, je pense que t'as la marge de manœuvre de pouvoir les échanger. Puis en plus, il faut que tu sauves de l'argent. Puis il y a des jeunes qu'il faut qu'ils re-signent. Fait que. Non, c'est. Je pense qu'il y a moyen d'y arriver. Ouais. Puis là, Bergevin va te chercher Sharp. Ben, si tu penses que c'est l'élément qui te manque, puis en même temps, comme je viens de te dire. Ça dépend du prix. Moi, je suis pas prêt à changer un choix de première ronde pour Sharp. Là. Non, mais ben moi non plus. Non, ça vaut pas un choix de première ronde. Mais c'est ce qu'ils vont demander, puis il y a probablement un cave quelque part dans la ligue. Peut-être. Ils vont le donner. Peut-être. Mais tu sais, en même temps, comme tu checkes cette année Petrie, on n'a pas donné autant. Là, on donne un choix de troisième à date pour lui. Puis un autre, je me souviens pas c'est quoi l'autre qu'on donnait pour. Là. Mais tu sais, c'est pas si cher payé. Là. C'est pas un choix de première ronde. T'as pu, j'essaie de trouver un article où est-ce qu'on nous mentionne qu'est-ce que. Journal de Montréal, la marde. Non, mais pour vrai. Avec les articles barrés. Comme si l'actualité pouvait être privée. Ah! Ben, sinon, ils ne vendraient plus de journal. Mais non, mais Radio-Canada me le présente, RDS me le présente. Pourquoi toi, tu le barres? Va-t'en. En tout cas, choix de deuxième tour et un choix conditionnel de cinquième tour en 2015. OK, fait qu'il peut devenir un choix de deuxième ronde si on sera en troisième. Ouais, on a fait la même, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, je trouve que c'est pas si cher payé pour Petrie. C'est sûr que si tu le signes pas, oui. Mais si tu le signes, ça peut être crissement bon, là. Non? Ça peut, mais en même temps, est-ce que ça vaut vraiment deux choix de deuxième ronde, Petrie? Ben, peut-être pas, mais est-ce que ça valait un choix de première ronde? Non, tu sais, fait que... Encore là... Mais sûr, c'est de la loi du marché, là. On savait que le Canadien avait besoin d'un défenseur, puis ils ont surpayé, là. Ben, surpayé. Plus ils auront de résultats, plus ils auront de succès, plus ils vont surpayer, là. Ah, puis avec la note qu'on lui a donnée, là, au début de l'émission, c'est pas si pire, là. Oh, ouais. Mais non, c'est... En tout cas... Fait que moi, je pense que les Legacy, ça existe. Non, ça se peut encore. Non. Je suis pas d'accord. Bonne gestion, man. C'est fini. Plus de dynastie. Tiens, okay, ils ont même enlevé le mode dans NHL. Ça veut tout dire, c'est sûr. Ouais. Je veux qu'on parle prédiction pour la prochaine ronde. Le Canadien a deux adversaires potentiels, possibles. Soit les Red Wings, soit le Lightning. On regarde les deux équipes comme s'ils les affrontaient. Puis on y va de prédiction, puis on dit qu'est-ce qu'on doit surveiller, puis bon, OK. C'est assez simple comme principe. Lightning de Tampa Bay. Mettons que c'est eux autres qui passent. Qu'est-ce qu'il faut que le Canadien fasse pour pouvoir gagner? Faire ce qu'ils n'ont pas fait beaucoup en ce moment, là, c'est bloquer la vue de Bishop. Parce qu'il prend la place en tabarouette dans le net, puis si tu ne bloques pas la vue, ben tu penses que tu as moins de chances de scorer. Encore moins que Anderson et Hammond. Parce qu'on s'entend que Bishop, tant qu'à moi, il est meilleur que les deux. Là. Mais... Ouais. Non, je pense que c'est ça, tirer au net, mais tu sais, comme faire des bonnes passes transversales, avoir la hargne qu'il n'y avait pas nécessairement, faut que Carey Price soit encore là, le protéger. C'est de jouer comme le Canadien jouait cette saison, puis qu'on disait « tabarouette que c'est un bon club », tu sais. Y aller all-in, puis tout faire pour gagner, parce que t'aimes pas bien. En tout cas, adapt, Stamkos ne marche pas. Tant mieux pour nous. C'est Johnson qui fait le job. C'est ça qui est le problème. C'est que le top 6 est tellement dangereux en attaque, ça vient de partout. Non, mais c'est ça. Faut les museler. Là. Faut que, d'après moi, Subban va lever son jeu d'un cran. Markov, Petrie, Gilbert, ça faut que ça joue une meilleure défensive, que ça l'aide le gardien. Moi, je pense qu'il faut le jouer dans la tête. Ah, ça, c'est sûr. Là. Je dis comme dans tous les clubs. Là. Ça prend des coups de bâton, ça prend des... Faut y aller avec de la hargne. Si on sort là, comme contre Ottawa, là, t'sais, mise en échec et tout, là, c'est un club qui est pas mal plus fragile que le Canadien de Montréal. Là. Ouais. T'sais, côté robustesse, là, c'est pas le Lightning, là, c'est pas les autres. Là. Fait que si on y va de même, je pense qu'on peut réussir. Et il faut surtout toucher le plus souvent possible. Et là, toucher étant bardassé, brassé, dérangé Ben Bishop le plus souvent possible. Je veux voir Smith Pelé dans le net. Faut tout le tête dans sa bulle. Faut c'est être les deux pieds dans le demi-cercle. Faut lui nuire d'un mouvement. Quitte à se faire refuser des buts, c'est pas grave. Je veux qu'on y nuise. Non, faut jouer à la limite de la légalité. Tout le temps. Faut foncer au net. S'organiser pour que le défenseur te fasse tomber puis que tu dérapes jusque dans le gardien. Tout le temps. Pied dans le tapis. Je pense que c'est la clé parce que Bishop est capable de... Dans un duel 1 contre 1, gardien de but, je pense que Bishop est capable de tenir la mesure avec Price dans un 4-7. Fait qu'il faut déranger Bishop. C'est la clé pour moi. Il faut falloir scorer des buts aussi, parce que les autres, ils vont être capables d'en faire. Exactement. Faut leur faire payer l'entrée de zone. Fait que, tu sais, les Subban, les Emeline, Patrin... En entrée de zone, faut frapper tout ce qui rentre dans la zone. Tout. Faut que ça soit dur. Faut même pas que ça passe la ligne bleue. Non, ben, faut qu'il y ait la chienne de rentrer dans le territoire avec la rondelle. Faut qu'il y ait drop dans le fond parce que c'est moins dommageable physiquement pour eux autres. Mm-hmm. Faut qu'ils réfléchissent comment est-ce qu'ils vont rentrer dans la zone. C'est ça jouer dans le mental aussi. Là. Si on affronte les Red Wings, qu'est-ce qu'on fait? Ben, faut faire, je pense, que ce qu'on a fait dans la saison, ce qui nous a permis de gagner les 4 matchs. Parce que comme Tampa Bay, on les a tous perdus. Mais c'est... L'avantage contre les Wings, c'est que si tu défonces Mrazek, après ça, c'est Howard, puis c'est pas pour le mieux, là. Non, tant qu'à moi, c'est un deuxième goaler. Mais... Tandis que avec le Lightning, si tu défonces Ben Bishop, c'est Vasilevskiy. Puis Vasilevskiy, le Lightning comme pas de l'air à s'en être rendu compte, mais tant qu'à moi, il est meilleur que Bishop. Ouais, ben ça, c'est le prochain goaler numéro 1 à Tampa. Oh oui. Mais moi, je changerais Bishop pendant qu'il est au top de sa valeur pour laisser à la place, mais bon, ils ont pas compris ça encore. Là. Mais sinon, faut jouer de vitesse, parce que je pense que les Wings sont pas si rapides. Beaucoup de vieux dans l'équipe. Datsuk, là, ben bon, avoir des mains, mais c'est pas lui qui va patiner aussi vite. Zetterberg, même chose, là, il est plus vieux. Ton idée. Faut les faire tourbillonner. Faut aller vite. Ah, vraiment, là. Je veux dire, tant qu'à moi, c'est pour ça qu'ils ont perdu le dernier match, là, le Détroit, là. Mais non, c'est faut les faire travailler. Puis c'est vieux, puis ça. Les jambes, faut les frapper. Faut pas avoir peur. Faut les déranger, eux autres aussi. Puis Mrazek, tu sais, c'est un bon goaler. Il a probablement fait le save of the year là, sur Brian Boyle. Je sais pas si tu l'as vu. Oui. Bon, ça, c'est... C'est sur le front de la page de NHL. Fait que... Ouais, c'est ça. Mais il a quand même accordé une coupe de but. C'est pas... Il a pas fait ce que Anderson a fait pour les Sénateurs, tu sais. Fait que je pense que c'est plus facile... Ça serait plus facile de gagner contre les Wings. Mais encore là, c'est une équipe qu'il faut respecter parce qu'ils ont l'expérience en série. Et je pense qu'ils peuvent toujours te sortir un petit quelque chose là, qui fait « Wow, on s'attendait pas à ça ». Je pense qu'il faut lui manquer de respect. C'est un peu bizarre à dire, là, mais c'est parce que les Wings, là, c'est ça, c'est des vénérables, c'est l'équipe sans reproche. Pis, faut pas trop t'y respecter, tu sais. Les Datsuk, les Zetterberg, faut pas que t'aies peur de leur rentrer dedans, de les frapper. Faut jouer clean, mais faut jouer dur. Faut pas être... Ah oui, monsieur, passé. Non, c'est sous ça, la portière, madame embarquée. Non, tu sais, la galanterie, on laisse faire, là. Parce qu'on va avoir tendance à être le Canadien être respectueux. On connaît la classe du Canadien. On sait comment est-ce que l'organisation, elle est. Mais non, faut jouer ça là, un peu avec eux autres. Mais je pense que ça, c'est que faut être respectueux, mais être irrespectueux dans le sens qu'il faut pas avoir peur des maganés, mais faut avoir le respect que ça se peut qu'ils reviennent dans la série. Dans le sens que c'est bizarre dans ma tête, c'est super clair, là, mais je suis sûr que là, présentement... Trouve des mots! Non, mais dans le sens, c'est une équipe, justement, que faut pas que t'aies peur de maganer, mais faut que tu dises que c'est possible qu'ils reviennent dans la série, tu sais. Ils sont jamais morts, ça, c'est sûr. C'est ça. Fait que faut que tu respectes ça, mais c'est sûr faut que t'aies maganes au plus possible. Faut que tu t'arranges pour qu'il ait peur de rentrer dans la zone comme Tampa Bay, faut qu'il ait peur de... Faut que tu les fasses tourbillonner. Tant qu'à moi, c'est une équipe plus vieille, fait qu'il faut que tu joues avec ça. Là. Hey, Datsuk, là, frappé 5-6 fois là, à ligne bleue pendant qu'il rentre, là, ça se peut que le reste de la game il y ait un petit peu plus de misère. T'sais, même chose avec Zetterberg. Faut que tu leur rentres dedans. Mais légalement, tu sais, je veux dire, faut pas que tu essayes des tuer, là, mais faut que tu essayes des maganés solides. T'sais. J'aime ça. La limite de la légalité. Non, mais c'est en plein ça. T'sais. Puis Ottawa l'ont bien joué, eux autres. Là, ils ont revenu là, tu sais. Non, je pense. Moi, j'aime mieux les Wings. Si on a une série Canadien Lightning, qui gagne? Ça se finit comment? Ben c'est honnêtement les séries c'est une deuxième saison comme que j'aime bien le dire. Fait que je me fie pas nécessairement aux 5 victoires de Tampa Bay dans la saison. Je crois que le Canadien gagnerait. Mais ça serait honnêtement en 7 matchs, ça serait par la peau des fesses. Là. Genre, ça serait par un but, parce que les deux goalers, c'est probablement, ça serait une espèce de gros duel. Malgré que l'offensive est meilleure côté de Tampa Bay, Stamkos, il n'est pas l'ombre de lui-même. Même si les autres prennent la relève, j'ai l'impression que le Canadien avec la première série qu'ils ont eue, ils vont peser dans le plancher, ça n'a même pas de bon sens. Je pense que tout le monde va comme... Tu sais, comme t'aimes dire, ils vont riser ensemble. Puis avec l'esprit d'équipe qu'il y a, je pense que tout le monde se pousse dans le dos. Puis tu sais, on le voit avec la vidéo de Carey Price qui rentre dans le vestiaire. Puis il y a quelque chose dans ce vestiaire-là. Tout le monde pousse dans le même sens. Autant même ceux qui sont même pas habillés sont là pour l'équipe. J'aime ça. Je le donne à Montréal pour vrai. Je pense que j'y vois aller bien loin cette année. Puis je serais déçu qu'il aille pas loin. Ça, c'est normal, là, mais... Je pense qu'il y aurait plus de misère avec Tampa Bay, mais il passerait pareil. Moi, je mets ça en 7, Tampa Bay. Ah ouais? Ouais. Mais tu sais, en même temps, c'est ça. Moutou, je le donne en 7, puis ça peut tellement balancer d'un bord puis de l'autre. Je le donne à Montréal à cause de Carey Price, parce que je suis sûr qu'ils vont t'envoler peut-être 2-3. Mais tu sais, je serais pas surpris que Tampa Bay gagne, là, parce que c'est une Christie de bonne équipe. Parce que je me dis, déjà, Bishop, t'es pas mal égal, tu sais, avec Price. Puis si tu le sors, après ça, t'as Vasilevski. Si tu sors Price dans un match, après ça, t'as qui? T'as le Tokar? Ouais, c'est, ok, ouais, c'est ça. Donc, avantage chez les gardiens de but pour le Lightning, tu sais, si tu regardes ouais. Overall, là. Mais c'est pour ça. Moi, je mets le par une... Écoute, j'aime pas ça, là, le dire, mais je pense que le Lightning gagnerait par... en 7. Ouais? Ouais. Ben, en même temps, comme je te dis, je serais pas surpris. Non, mais c'est ça. C'est parce que Christy, c'est quasiment... ils font partie du top 3 de l'Est, là, avec les Rangers. Là. Mais imagine si t'es capable de sortir Tampa Bay, puis que par après, les Rangers se font sortir par, mettons, les Capitals de Washington. Écoute... la porte peut être ouverte, tu arranges jusqu'à la côte. Pavé est là, là, je veux dire. Oh, oui. Pavé, clôture, vous sortez pas du chemin, vous rentrez jusqu'en finale. On peut rêver, mais faut passer à travers la deuxième ronde avant. Effectivement. Détroit-Montréal, qui gagne? Montréal, puis ça, je pense que ça serait plus facile. Moi, je rends 6 pour Montréal aussi. Moi, c'était en 5. Ah ouais? OK. Ouais. J'ai le feeling que, comme tu dis, goaler, c'est juste là le goaler. On a l'avantage, même si notre deuxième goaler est peut-être moins bon que leur goaler et eux autres. Howard, pour moi, c'est une passoire. C'est pas un goaler numéro 1. Mais Razek, c'est un nom, oui, mais... il y en a encore des buts pareils, là. C'est pas... Plus ça va avancer, plus la pression va être élevée. Ah, c'est ça. Plus il va être sur le bord de craquer. C'est ça. Puis ils sont plus vieux, je sais pas. Le seul avantage qu'ils ont, je pense, c'est l'expérience. Ben oui, ok, il y a de l'expérience, mais le Canadien l'an passé s'est rendu en finale de conférence. Tant qu'à moi, on a un meilleur club que l'année passée. Oui. Défensivement, t'sais, en tout cas, là, peut-être pas en attaque, là, mais défensivement. Juste Petrie vient équilibrer le top 4. Là, fait que... ouais. Donc, prédiction intéressante. Avais-tu d'autres choses? Non, pour ce qui est des séries, je pense que ça fait vraiment le tour. Là. Passe à la palette. Alexis Tremblay, qui nous demande via notre page Facebook, il dit « Qu'est-ce qu'il faut faire pour relancer l'avantage numérique du Canadien? » Et quelle excellente question! Merci Alexis, on aime. Pour vrai, c'est une Christie de bonne question. Ouais. Le pire, c'est que je pense qu'on en a quand même un petit peu parlé pendant l'émission. Ça prend le trait de quelqu'un d'autre que ça, Ben. Et voilà. Puis du monde devant le net. Plein de monde. Ouais, les trois attaquants en même temps. Ça prend un Michel Therrien qui se déniaise aussi. Mais c'est-tu lui qui s'en occupe vraiment? Il me semble que c'est l'avantage numérique. Avant, c'était Gérard Gallant, puis là, c'est l'autre. Là. Je me souviens pas de son nom. Ouais, non, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est que me semble que contre Cameron, Therrien s'est fait out-coacher à certains moments. T'sais. Ouais, vraiment. Ça, là, pour un coach vétéran contre un coach recrue, c'est inacceptable. Et ça nuit aux Canadiens en première ronde. Je veux pas dire que ça explique tout, mais ça a lieu au Canadien dans une certaine mesure. Fait que ça prend du coaching staff réveillé, puis il faut surtout brasser les cartes. Il y a une couple de... Tu sais, on disait la egg line, ça serait le fun de la mettre en place. Il y a une couple d'alternatives. Moi, Devin Smith-Pelly, là, tu sais, les deux pattes, là, ben attaquées dans le sol, là, ben attachées en avant du net, là, tu sais, pour brouiller à vue, là, du gardien de but. Me semble que ce serait une pas pire idée, tu sais. Ouais, à la limite, tu mets Dale Weiss. Il y en a des options. Oui, Delouise, un bon maniement de bâton, ses retours pour être efficace. Puis il passe devant le net, fait que tu sais. Ben oui, ça prend quelqu'un qui est tout le temps stationné là, qui est prêt à payer le prix. C'est plate. Gallagher serait parfait pour faire ça, mais à grandeur qu'il y a, Ben Bishop va regarder au-dessus de ses épaules. Là. Ouais, non, c'est sûr. Ça peut pas être lui, là. Fait que, si c'est Bishop qu'on affronte, là, mais ça peut pas être. Gallagher peut pas faire ce job-là, il y a pas de gabarit pour. Fait que, tu sais, un Smith Pelly, un Wiz, tu sais, ce monde-là, là, envoie en avant du net, puis attire deux, trois défenseurs vers toi, là. Tu sais, question de. Qu'il y ait plus de monde en face du gardien de but, là. Ben, il y a ça, puis en même temps, moi, ce que je ferais, c'est. Moi, je marcherais avec trois ou quatre trios de powerplay. Change-les. Parce que là, on est habitué d'en voir tout le temps en deux. Je sais qu'il fait des petits changements des fois, mais essaye pour que l'autre équipe sache plus où s'en aller. C'est ça. Qu'ils font genre, hey, oh, on comprend pas. Il me semble dans les vidéos que c'était pas ça. Là. Qu'est-ce qui se passe? Puis que là, ils savent pas ce qu'ils vont faire. T'sais. Que l'autre équipe se demande, hey shit, je vais le checker Subban, oui, mais là, il va faire une passe à qui? Je comprends pas. Lui, il est pas censé être là. Pis... Ah ouais, il y a un Mitchell en avant du but une fois de temps en temps. Ouais. Et voilà. C'est ce que Mitchell fait là. C'est en plein, ça. Tu viens de déstabiliser l'autre entraîneur. Peut-être des changements dans les paires de défenseurs. Markov Petri ensemble, c'est pour que ça soit pas Subban qui tire, tu sais. Ça pourrait être bon. Puis en même temps, j'espère que Beaulieu pourrait revenir pour la deuxième ronde. Parce que c'est quand même un avant. Moi je trouve que un meilleur contrôle de rondelle qu'en début de saison. Puis il a un bon shot. Puis de plus en plus, il fait des bons tirs devant le net, des bonnes passes. Puis là, faut que Subban arrête de craquer son tir en malade. Là. Sois subtil, man! Ouais. Tu sais, un petit tir poignet là, de la ligne bleue, ça peut être intéressant. Le but, c'est pas de défoncer. Là. Le but, c'est qu'elle se rende. Sois précis. Puis si tu craques ton shot, ça fait juste montrer que c'est toi qui vas tirer. Fait que, low profile, man. Low profile. Ouais. Ah, je suis totalement d'accord avec toi. Je sais que t'es flamboyant, mon piqué. Là, j'aime ça, là, mais... Cette facette-là, ça te nuit, tu sais. Fait que fais ça différemment un peu, là. Ouais. Profile. Mets-toi des néons en dessous de tes patins. Low profile, joke de char. Bon. Fait que, Alexis, j'espère que ça répond à ta question. J'espère surtout que Michel Therrien va écouter et que ça va améliorer les choses et que son coaching staff, ça prend de l'entraînement là-dessus. Ça prend. Faut brasser à ça. Faut essayer d'autres choses. Et on vous souhaite tous et à toutes et à nous autres aussi. On souhaite une bonne deuxième ronde, peu importe l'adversaire. On souhaite une victoire du Canadien. On aura le temps de s'en reparler anyway. Je ne penserais pas qu'on soit pas en mesure de faire de show avant que ça se finisse. En tout cas, on verra là, selon nos horaires. Ouais, c'est ça, on verra selon nos horaires, mais on va essayer en tout cas. Jerry, où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver sur Facebook. Je vous conseille de me suivre, c'est tout le temps nice. Des fois, moi et Jubé, on a des conversations avec d'autres auditeurs aussi, c'est super cool. On n'est pas toujours d'accord. Non, mais c'est le fun. C'est ça qui est le fun. On argumente, puis c'est vraiment cool. Sur Facebook, Jerry Godbout, je devrais apparaître avec une photo. Yes. Comme d'habitude, là. Ça change souvent, mais bon. Sur Twitter aussi, vous pouvez me retrouver @Godbout25. J'utilise un petit peu plus pour vrai, puis je commence à aimer ça. C'est vraiment cool. Sinon, en général aussi, si vous aimez autre chose que le hockey, parce que ça se peut. Même si je vous juge. Non, c'est pas vrai. Si vous aimez des trucs plus à savoir geek, jeux vidéo, films, BD ou peu importe, j'ai un autre projet, dans le fond, aussi avec deux de mes amis qui s'appelle Les Geeks sont parmi nous. Donc, avec William et Simon. Fait que si vous voulez nous écouter, sur Facebook, on est trouvable, sur Twitter aussi, puis on a un podcast. Fait que c'est cool. J'apparais aussi des fois sur Podcast et Gomme Balloon en format de chronique mensuelle ou bimensuelle ou peu importe quand que ça nous donne finalement sur les fanfilms. Fait qu'on parle de films faits par des fans, ce qui est un peu le concept des fanfilms. Mais mais bon, sinon toi sur Facebook on peut te retrouver ailleurs sur internet. Ouais, sur Facebook j'ai gagné. Donc, sur Facebook. Sinon, pour ce qui est de les réseaux sociaux aussi, sur Twitter, @Gangji_B, je m'occupe des comptes de hors-jeu, facebook.com/hors-jeu-podcast et @hors-jeu-podcast sur Twitter. Pour ce qui est de mes autres projets, je suis sur La Réalité Augmentée. C'est un podcast geek, là aussi un petit peu à la manière des geeks qui sont parmi nous. @RealitéHog sur Twitter et facebook.com/RealitéHog. Et c'est pas mal ça pour mes différents projets. D'ailleurs, si vous voyez passer sur Internet des affaires par rapport à un nouveau film sur un livre de Patrick Sénécal, c'est moi qui s'occupe de ça. Cool. Faites liker puis partager. Ça vous tuer dans vos cauchemars. Ça faisait sénécal, hein? Je viens d'apprendre que je peux chuchoter. Voilà, c'est ce qui fait le tour. Merci d'avoir été là pour cet autre élément de hors-jeu. Épisode 17, épisode Yari Kouri. Je l'avais pas dit, fait que je le plug là. C'est bon. Grand joueur de l'histoire des Oilers, dans le temps qui était bon, là. Fait que, c'est ce qui fait le tour de l'émission. Merci d'avoir été aussi nombreux. Merci de nous suivre. Merci d'être de l'aventure. Merci, Jerry. Merci, JB. Et à la prochaine. Bye! Yes. Ciao, là!